à bardagie.com. Réfléchir au projet de votre entreprise, ça amène des questions. Quel marché cibler pour croître à l'étranger? Quoi faire pour rester concurrentiel? Comment bien vous préparer à passer le flambeau? Mais réfléchir à vos projets avec Desjardins Entreprises, ça amène des réponses. De la transformation numérique au transfert, notre accompagnement est centré sur tout ce qui vous aidera à avancer. Car chez Desjardins Entreprises, les affaires, c'est une affaire d'équipe. Connaissez-vous le site web infodeuil.ca? Ce site vous propose des clés pour mieux vivre et comprendre le deuil. Capsules, soirées rencontres, colloques et références diverses. Infodeuil.ca, le site de référence sur le deuil, grâce à la collaboration du Repos Saint-François d'Assise. Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs, 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable. Les actualités Cogeco Nouvelles. Vendredi 1er novembre, ici Guy Simard, voici les nouvelles. Des entreprises québécoises dénoncent les mesures prises par Québec et par Ottawa pour limiter l'immigration. Certains craignent même pour leur avenir. Fanny Sanson. Des seuils réduits, de nouveaux critères à respecter et des moratoires. Selon le PDG du Conseil du patronat, Carl Blackburn, ces annonces ont été improvisées. La capacité d'accueil, c'est celle qu'on veut bien se donner. Quand on parle des travailleurs étrangers temporaires, ils sont déjà dans nos entreprises, ils sont déjà dans nos logements. Les deux principales entreprises privées qui travaillent dans la gestion de l'eau n'ont pas le choix de se tourner vers la France pour répondre au contrat des municipalités. S'ils appliquent les règles du fédéral, ils devront faire des mises à pied. Simon Beauchamp, PDG du groupe Elios. On veut les garder et on veut en même temps former des gens au Québec pour pallier à cette situation-là. Le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, n'a pas tardé à réagir. À chaque fois qu'on parle d'immigration, il y a des gens qui trouvent qu'on en accueille trop. Il y a des gens qui trouvent qu'on en accueille pas assez. Et quoi qu'on fasse, ça sera toujours ça quand c'est notre gouvernement parce qu'on n'est pas des extrémistes. D'autres PME craignent de devoir réduire leur croissance ou même de déménager à l'étranger. Fanny Sanson, Cogeco Nouvelles, Montréal. Ottawa se dit extrêmement préoccupé par les informations voulant que la Corée du Nord ait envoyé des troupes sur le front ukrainien. Devant cette escalade, l'Ukraine réclame de plus en plus ardemment la permission d'utiliser des missiles longue portée avec pour but d'attaquer des cibles militaires russes à l'intérieur des frontières de la Russie. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a indiqué en marge d'une conférence sur l'Ukraine à Montréal que le Canada était tout à fait en faveur d'une telle utilisation de missiles par Kiev. Nous sommes en faveur parce que nous pensons que ça fait partie de la nécessité de l'Ukraine de se défendre et c'est pourquoi nous non seulement appuyons leur position, mais nous tentons de convaincre d'autres pays amis, alliés, à adopter cette position. En Espagne, les autorités rapportaient hier 158 morts provoquées par les pluies diluviennes tombées dans la nuit de mardi à mercredi. La plupart de ces victimes ont perdu la vie dans la région de Valence, dévastée par le phénomène météo. L'ancien journaliste sportif Guy Bolduc, qui réside désormais en Espagne, a raconté ceci à notre antenne. Les quantités étaient astronomiques. On parle de 300 à 500 millimètres d'eau tombée en quelques heures seulement. C'est passé à travers les différents cours d'eau. C'est arrivé dans les villages par surprise en quelques minutes. Et puis les gens n'ont pas eu le temps de réagir. Donc, les gens qui ont vu l'eau arriver, parfois, sont allés dans leur sous-sol pour aller chercher leur véhicule parce qu'il y a beaucoup de parking souterrain ici. Ils se sont fait prendre. Il y a des personnes âgées également. Ces gens-là n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ils se sont noyés. Ils ont été emportés par les eaux. Des dizaines de personnes ont toujours porté disparues. À Québec, un jeune de 19 ans lutte pour sa vie après avoir été, selon toute vraisemblance, impliqué dans une affaire liée aux gangs criminels. Selon nos informations, il présentait des brûlures sur 90% de son corps au moment où il a été abandonné devant un centre hospitalier de Québec, alors que l'entourage de la victime avait été informé qu'il avait été torturé. Des sources policières ont indiqué plus tard à Cogeco Média que l'homme de 19 ans aurait pu subir ses brûlures à la suite d'un incendie impliquant un ou des cocktails Molotov. Les détails ne sont pas encore confirmés par les autorités. Le Canadien a subi un autre revers hier soir, s'inclinant cette fois 6-3 face aux Capitals à Washington. Caulfield, Gallagher et Suzuki ont marqué les buts de Montréal. L'entraîneur-chef Martin Saint-Louis a offert une analyse du match qui ne laisse aucun doute sur son état d'esprit. On joue une première période de route, là, l'équipe de sur la route. Là, on ne leur a pas donné grand-chose. On n'a pas eu grand-chose non plus, mais c'était un début, une première période qu'on voulait. En deuxième, il n'y avait rien de parfait. Il y avait des erreurs des deux bords. Puis en troisième, on s'est vomi dessus. C'est bien simple. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. météo. 17, quelques averses ce soir, cette nuit pour Montréal. 17 demain, 60% de risque d'averse. Et retour à des saisons, des températures plus saisonnières, samedi et dimanche, 6 et 7, mais du beau temps. Gatineau, 14 et 14, 30% de risque d'averse. Sherbrooke, 16 et 17, 40% de risque de pluie pour les prochaines heures. Trois-Rivières, 16 et 15, de la pluie. Même chose à Québec, 12 et 14. Cogeco Nouvelles. Partout au Québec. Cogeco Média. Parce que vous voulez tout savoir. Au réseau Cogeco Média. Prêt pour une nuit bien remplie? Actualité, culture, tribune téléphonique. Jusqu'à 3 heures du matin, c'est la nuit. En direct. En direct. Voici votre animateur, Louis-Philippe Guy, au réseau Cogeco Média. Bienvenue à la nuit en direct. Ça, c'est une délicieuse idée de commencer l'émission avec mon déguisement d'Halloween. Ça doit sonner tellement, tellement bizarre. En tout cas, dans mes oreilles présentement, ça sonne très bizarre. Dans les vôtres, j'ose même pas imaginer. Il y a la majorité des gens qui écoutent à la radio. Pour vous, je suis le bonhomme carnaval. Pour ceux qui regardent la vidéo, je suis autre chose. Mais je vous dirai pas quoi pour vous inviter à devenir membre de la page Facebook de la Nuit en direct et regarder l'émission qui est en streaming depuis deux semaines, un peu plus. Allez sur Facebook. On est aussi sur YouTube et sur X, qu'on appelait avant Twitter. Est-ce que je vais passer trois heures à parler de même? Non, rassurez-vous. Rassurez-vous. J'ai chaud. J'ai de la brume dans mes lunettes, comme si ma blonde, c'était une ginette. Mais c'est pas une ginette. Ça serait... C'est rare, les ginettes de mon âge. Non, j'en connais pas des ginettes de 40 ans. Mais j'ai déjà eu une belle-mère qui s'appelait Ginette. Je l'adore, je la salue si elle ne dort pas cette nuit. Aujourd'hui, à la nuit en direct, on va parler des phobies. Puis comme moi, une de mes phobies, c'est de mal sonner, je vais tout de suite, là, si vous, ça vous dérange pas, là, je vais enlever mon masque, OK? Je pourrais pas faire le show demain. Bonjour, oui, c'est moi, c'est pas Jeffrey Soubrani qui s'était déguisé pour faire semblant que c'était LP. Non, non, c'est bien moi. Jeffrey sera là, par exemple, la semaine prochaine, toute la semaine prochaine, puisque je serai dans les tropiques pour prendre un peu de soleil. Oui, j'ai de la brume dans mes lunettes, effectivement. Oui, j'avais assez chaud. Surtout quand on est en onde, on dégage la chaleur quand on jase comme ça. Alors, aujourd'hui, les phobies à l'émission. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous fait peur. Prétexte aussi pour nous raconter votre soirée d'Halloween, comment ça s'est passé par chez vous. C'est tellement une soirée que j'adore. C'est tellement le fun de faire peur aux enfants. Puis en même temps, leur donner des bonbons. C'est comme c'est un peu un mélange toxique avec le sucre, là, mais peur et bonbons ensemble. Ça prend juste un sweet spot entre les deux. Là. Faut pas que tu sortes traumatisé. Faut pas que tu te réveilles en sueur dans la nuit quand t'as 5 ans. Ah! Un fantôme! Non, mais une petite... Je suis pas sûr hein, de vouloir rentrer dans cette maison. Je suis pas sûr de vouloir aller chercher ces bonbons-là. J'ai une méfiance. C'est ça qui est le fun. Hein. Ça donne des très beaux souvenirs à nos enfants. Oui, effectivement, mon deuxième masque est plus épeurant, c'est ma face. Merci, Régent. Toujours le bon mot, mon cher Régent. 514-790-0224 1-800-667-5241 pour participer à l'émission. Alors, parlez-moi de votre phobie, votre peur. Ou, si vous n'en avez pas, mais que vous avez vécu quelque chose d'épeurant dans votre vie, vous pouvez le raconter aussi. C'est tout à fait valable. C'est un peu une variante d'une nuit paranormale que nous avons fait un peu plus tôt au mois d'octobre. Et dans ce 1er novembre, début du mois des morts, c'est lugubre. Il y a encore beaucoup de décorations d'Halloween. Moi, je les ai enlevées tout de suite parce que je pars en voyage. Fait que j'ai tout nettoyé ça. Après... incroyable. On avait quoi? 200 pièces de bonbons à la maison. Au bout de 90 minutes, il y avait... plus rien. Plus rien. Mais c'est le fun, les gens participent, beaucoup d'enfants, c'est le fun, ça se perpétue. Mais 200, c'est pas mal ma limite, là. On m'a pas monté à 300 pour une soirée d'Halloween. Je pense que ce qui va arriver, c'est qu'on va en donner moins par enfant. Mais déjà, là, on avait prévu 160 sacs plus une boîte d'une centaine, là, qu'on donnait à l'unité. Ce qui veut dire qu'il est passé au moins 260 enfants pendant toute cette soirée-là, là. Ça participe fort. Puis c'est un quartier, c'est pas des blocs. Il y a quelques blocs, mais c'est des unifamiliales. Il faut quand même marcher pour faire... Mais les gens participent, c'est le fun. Les gens décorent, les gens ouvrent. Il n'y a rien de plus plate qu'une rue sombre où il n'y a personne qui ouvre. T'sais. Pas besoin de débourser autant d'argent. On peut y aller avec un petit bonbon par enfant qui passe, mais c'est le fun, ça fait de la vie d'avoir ces décorations-là, d'avoir des gens qui sont costumés, des adultes, des enfants. Je pense que c'est la fête, c'est la plus belle des fêtes. T'sais, Noël, c'est quelque chose, c'est magique, c'est extraordinaire, on voit notre famille, c'est le fun. Il y a quelque chose dans l'Halloween, dans le fait d'interpréter un personnage, toute la dimension de la peur, les films d'horreur, les déguisements, les décorations sont originales. Il y en a pas de pareil, là. D'une maison à l'autre, là, oui, on reconnaît certaines choses qui reviennent, mais la disposition de tout ça, les gens sont originaux. Fait que, racontez-moi ça, comment vous l'avez passé. Mais parlez-moi surtout cette nuit de votre phobie, votre plus grande peur ou d'un moment épeurant dans votre vie. 514-790-0224, 1-800-667-5241. Yannick nous écrit « J'ai peur de ma belle-mère ». Les jokes de belle-mère, ça c'est inépuisable. Hein? Dites-moi pourquoi aussi. Hein? Dites-moi pourquoi, Yannick. Ça m'intéresse tout ça. Là. De quoi vous avez peur, finalement? Vous avez peur de ce qui se dit quand vous n'êtes pas là? Je sais pas. Du ménage chez vous, quand elle arrive? Je sais pas. Alors, voilà. Je rappelle le numéro une dernière fois. 514-790-0224 et 1-800-667-5241. Vous pouvez également cliquer sur le lien que j'ai placé sur la page Facebook si vous voulez parler à partir de la webcam, comme si on était en conférence Zoom pendant la pandémie. Bon, on fait ça pendant l'émission aussi et vous allez apparaître à l'écran. Puis, on va pouvoir vous entendre cette nuit. Texto 98985 et la page Facebook La Nuit en direct. Bon début de nuit. En fin de journée, faites le plein d'actualité dans tous les domaines. Le tout dans une ambiance décontractée. Le Québec maintenant avec Philippe Quentin et ses collaborateurs en semaine 15h. Au 98.5, Montréal. L'inimitable. Vous déneigez votre cour à la pelle. Vous faites un seul voyage de sac d'épicerie, même quand vous achetez deux melons d'eau. Vous êtes fait fort. Mais les virus aussi. Faites-vous vacciner gratuitement contre la grippe et la COVID-19. Si vous vivez avec le diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie du cœur, des poumons ou des reins, si vous êtes enceinte ou si vous avez 60 ans ou plus, vous êtes plus à risque de complications. Informez-vous et prenez rendez-vous au québec.ca/campagne-vaccination. La vaccination, c'est la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec. Ce que vous n'entendrez jamais de votre vie. Bah, pour le week-end au chalet de Mathieu, là, je prends la morphine qui reste dans le pot de menthe pour son mal de genou. Vu qu'il a plus mal, tu sais. Ce que vous ne voulez jamais entendre de votre vie. Ça arrive malheureusement trop souvent. Les ados se disent que c'est pas si dangereux si ça guérit le mal de genou. Si vous laissez vos médicaments à la portée de n'importe qui, n'importe quoi peut arriver. Jeunesse sans drogue vous rappelle l'importance de garder vos médicaments dans un endroit sécurisé et de rapporter vos médicaments inutilisés à la pharmacie. Visitez jeunesse-sans-drogue-canada.org pour plus de conseils. Mobilité Montréal vous informe des principales entraves de la fin de semaine. Le pont de l'Île-aux-Tourtes sur l'autoroute 40 sera complètement fermé dans les deux directions. Le péage sur l'autoroute 30 sera suspendu afin d'offrir une alternative aux usagers. La route 136 sera aussi fermée en direction est entre l'échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie. Pour des outils afin de bien planifier vos déplacements, visitez les pages Web et Facebook de Mobilité Montréal. Consultez également Québec 511 avant de prendre la route. Hey, tu sais pas quoi? On a encore eu un dégât d'eau dans l'immeuble. Nos assurances vont sûrement augmenter. Pas encore la voisine du quatrième qui s'est endormie en faisant couler son bain? Ben oui, ça a même descendu sur deux étages. Hey, j'ai justement installé le système de protection contre les dégâts d'eau Sedna, mon chalet. Puis j'ai vu qu'il offre même une solution complète pour les condos, hein? Ah ouais? Je vais en parler à la prochaine réunion du syndicat. Ça nous prend ça. Avant d'être dans l'eau chaude, installez Sedna de Sinopé, votre meilleur allié pour la prévention des dégâts d'eau. Problème de vis caché? LenAvocat, les experts en droit immobilier. LenAvocat pour obtenir leur juste. LenLegal.com. Salut, c'est Mario Langlois. Grosse nouvelle, les vendredis, les amateurs de sport, c'est maintenant à 18h30. Des échanges avec des gens passionnés sur une foule de sujets passionnants. C'est les amateurs de sport, n'oubliez pas, chaque vendredi dès 18h30. Au 98.5. L'inimitable. Partout au Québec, jusqu'à 3h du matin, vous écoutez La Nuit, en direct. De retour à Louis-Philippe Guy. Au réseau Cogeco Média. Il est minuit 14 minutes. J'ai un appel en ligne en passant, donc vous n'aurez pas beaucoup d'attente si vous m'appelez maintenant. Le sujet cette nuit, les phobies. De quoi avez-vous peur? 514-790-0224. Quelqu'un, c'est Yannick ici qui m'écrit « J'ai peur de rien, sauf ». À partir du moment que tu écris « sauf », ben c'est pas vrai que tu as peur de rien, tu as peur de quelque chose. Et lui, c'est les couleuvres. Donc, tu dois avoir peur des serpents. Puis, les serpents qu'on a ici, c'est des couleuvres. C'est comment on appelle ça, la peur de la couleuvre? Je demandais à Lucille, c'est quoi la phobie des... Allô, Lucille, c'est quoi la phobie des couleuvres? Salut! La phobie des couleuvres s'appelle l'ophiophobie, qui est en fait la peur des serpents en général. Ceux qui en souffrent peuvent être terrifiés par la simple vue d'une couleuvre, même si elles sont généralement inoffensives. L'ophiophobie. L'ophiophobie. Je pense que c'est ça que j'ai compris. Merci Yannick pour ton texto. On va commencer avec Nathalie au 514-790-0224 ou de partout au Québec, 1-800-667-5241. Salut Nathalie. Salut Louis-Philippe, ça va bien? Très bien, vous? Oui, ça va bien, merci. De quoi avez-vous peur, Nathalie? Moi, je pense que je suis arachnophobie. J'ai peur des araignées. C'est même pas croyable. J'ai moins peur des souris. Mais les araignées, écoute, on a resté pendant 5 ans au bord de l'eau. On avait des bateaux, des sidoux. J'enlevais jamais les toiles. C'est mon copain qui enlevait les toiles sur les sidoux puis le bateau. Puis à un moment donné, il y a eu une araignée d'eau dans le bateau. Une araignée d'eau, hein? OK, ça, c'est gros, ça? Une araignée d'eau, c'est gros. C'est gros. C'est gros qu'une... Pratiquement égal à la tarentule, mais tu sais, c'est moins épais, là, mais c'est dégueulasse, puis c'est gros. C'est gros. J'en parle, puis j'ai les poils qui m'érigent. J'ai peur de ça. Pourquoi, j'ai aucune idée, mais j'ai peur, là. J'ai sauté en bas du bateau pendant qu'il roulait. Il savait. Il a fallu qu'il trouve l'araignée d'eau parce que moi, je rembarquais pas dans le bateau. C'est vraiment une phobie. À un moment donné, je nettoyais la maison puis j'ai vu comme la moitié du corps qui était rentré à l'intérieur puis à l'extérieur des gens de bois. Je suis allée réveiller mon conjoint. Je pleurais. Je pleurais. Et ben, qu'est-ce que t'as là? Il y a une araignée d'eau. Faut-elle la tuer? Elle va rentrer dans la maison. Hey, mais j'ai jamais vu ça, des araignées d'eau. Ça me tente de googler, c'est à la battante, là. Oui, allez voir ça, là. C'est dégueulasse. Avez-vous peur au point de ne pas pouvoir vous-même aller googler ça? Ah oui, sur Facebook. Moi, j'ai plus de Facebook, mais à un moment donné, sur Facebook, il y avait des personnes qui montraient des araignées. Puis là, tu regardais, puis elles sautaient. Je pitchais mon téléphone. Pas capable. Pas capable. J'ai vraiment peur de ça. C'est dégueulasse. À un moment donné, on était dans une écluse. Doux. Puis on tient une corde quand on est en sidou. Mais il y avait une araignée d'eau direct dans ma face. J'ai sauté en bas du sidou dans l'écluse. Vous auriez pu vous noyer à cause d'araignées, là? Non, ben dans l'écluse, il y avait un bateau à côté. Il m'a pitché comme une bouée. Oui, oui. J'ai tellement... écoute, là, j'ai embarqué sur le bateau. Écoute, le monsieur, vous voyez bien, là, j'étais traumatisée. J'ai vraiment une peur de ça. On parle pas des petites, là, ou les araignées, je me souviens pas comment on appelle ça, là. Ils ont un petit corps, mais des grandes pattes. Ça, c'est pas dégueulasse. Mais l'araignée d'eau, c'est... Écoute, puis en plus de ça, ils appellent ça une araignée d'eau. Puis à un moment donné, on plaçait les quais au bord de l'eau. Il y avait une araignée prête dans ma face. Coudonc, les araignées d'eau sont partout sur l'eau, hein? Ça porte bien son nom. Ouais, mais c'est parce qu'ils appellent ça une araignée d'eau, mais dès qu'elle touche à l'eau, elle monte sur le quai. C'est dégueulasse. OK, elle ne veut pas être dans l'eau. Elle est dans l'eau, mais tu sais, son poignet autour. Mais tu sais, sont autour après les bouées, les comment on appelle ça, je me souviens plus. Mais ils se tiennent en dessous, sur le bord, mais quand le quai écrase dans l'eau, ils montent sur le dessus. C'est peut-être pas ça des araignées d'eau, est-ce que tu sais? Oui, on retourne chez vous, toi. OK, arrête de me déranger, c'est finalement. Fait dans mon bateau, c'est dégueulasse. Là. C'est ça, je regarde ça, là. C'est vrai que la comparaison avec la tarentule, elle est bonne. En plus, elle est un petit peu poilue, hein? Elle est velue. C'est dégueulasse. Ah ouais. C'est comme gluante, là. Ou des fois, des grosses araignées de bois. Tu sais, quand tu vis dans le bois, je pense que c'est la pire affaire que j'ai peur, moi, c'est l'araignée. J'ai moins peur des ours, j'ai moins peur des lynx. Ça, c'est dégueulasse. J'avais des souris. Tu fais le saut, une souris. Mais j'ai pas peur de ça. Ouais, tu veux pas ça chez vous, mais c'est vrai. Ben, il y a des gens qui sont terrifiés. Je vais avoir des gens qui vont appeler cette nuit, là, les souris, là. C'est l'horreur pour eux. Les araignées, j'avoue que je sais pas si c'est une phobie chez moi, mais j'aime pas l'idée qu'il y en ait une qui me grimpe dessus, là. Je vais les tuer à la maison quand je les vois. Est-ce que j'aille plus, c'est quand je dors, mettons, puis je me penche pour ramasser la hose, puis j'arrive la face dans toile, puis que là, je suis nez à nez avec, puis à la fin de la saison, là, c'est correct, là, on a la paix, là. Les premiers gels sont apparus, mais ils vont peut-être être de retour avec le redoux qu'on a, mais il était vraiment, en septembre, octobre, il était rendu immense, là. Il était sur le bord d'avoir le droit de vote, là. Écoute, des araignées de bois, là, c'est gros quand même, là, tu sais, écoute, elle marche sur le plancher, puis t'entends quasiment les talons hauts, là, c'est vraiment, écoute, elle se lève, tu sais, ça se lève, c'est dégueulasse. Puis quand mon conjoint est sorti dehors pour tuer l'araignée d'eau, quand il a monté dans l'escabeau, il a hésité. Écoute, je l'ai regardé, j'ai dit, si tu la tues pas, on divorce. Hey, j'ai un article ici du courrier. Vous demeurez à Laval? Non, moi, je restais à Nominaine à ce moment-là. OK, mais on là, présentement, là, vous êtes où présentement? Là, je suis sur la route, là, je m'en vais en Abitibi. Vous demeurez où? À Saint-Hélin des Laurentides. Saint-Hélin, c'est quand même pas loin de Laval, parce que je suis tombé sur un article du courrier Laval qui nous dit que l'araignée d'eau est une Lavalloise à part entière. Elle est bien installée à Laval. Fréquemment aperçue sur l'île Jésus, écrit-on ici, qualifiée par certaines personnes de mammifère en raison de sa grosseur impressionnante. Ah oui. Puis il paraît que quand ça mord, parce que ça fait très mal, mais moi, je vais m'arranger pour jamais me faire mordre. Écoute, faudrait pas. Puis moi, j'ai déjà dit à mon conjoint, si j'ai une araignée sous moi, tu me le dis pas, là, tu l'enlèves. Écoute, à un moment donné, dans mon pick-up, il y avait une grosse araignée qui descendait, j'ai ouvert la porte. Mais là, t'es donc ben nounoun, tu roules. Écoute, je me suis collée parce que c'est incroyable, c'est vraiment une phobie. Puis j'ai de la misère à regarder les araignées ou à télé, là, ou des. Parmi toutes les choses qui ont circulé sur Internet dans les dernières années, je ne sais pas si vous êtes tombé là-dessus, mais il y a une croyance qui a été largement répandue par le web qu'on avale à notre insu durant notre sommeil en moyenne 8 araignées par année. C'est dégueulasse. Mais c'est une légende urbaine. Je voulais vous rassurer si vous avez vu ça. Là. C'est pas vrai. Là. C'est dégueulasse. Je me suis créée. C'est pas vrai, c'est 12. Vraiment, écoute, l'araignée d'eau, je pense que c'est la tarentule. À un moment donné, tu vas dans des pet shops. Le gars, il avait la tarentule. Je fais, tu fais avec ça dans les mains, moi. Je me croise les bras sur le tas. Et je nettoie la cage, échappe la peau. Mais non, c'est ça. Échappe la peau. Parce que je comprends pas c'est quoi l'intérêt d'avoir une araignée. Oh, ouais, dans un terrarium, là, il y a des gens qui trippent sur toutes sortes d'affaires bizarres. Là. Ah, c'est dégueulasse. C'est vraiment une phobie. C'est dégueu. Puis mon conjoint, il sait quand je crie, il sent bien que l'essuie-tout. Il reconnaît la tonalité de mon cri. OK, le cri, OK. Donc, ce cri-là ne sort pas dans d'autres circonstances. Là. Qu'une araignée? Ah non. OK, non, parfait. Il peut faire la différence entre les différents cris. Ah oui. Okay. Oui. OK, c'est bon. Parfait. Ben, là, il va chercher les essuie-tout, puis il vient s'occuper de l'araignée. De l'écraser, oui. Puis en bateau, j'y avais déjà dit. C'est arrivé une fois, par exemple, j'ai sauté en bas du bateau, puis il m'a dit, mais t'es pas bien dans ta tête, je te l'avais dit. Moi, s'il y a une araignée d'eau, puis je saute, ben c'est ça. Mais au début, il avait comme l'eau, pas catché, mais... Dans l'eau, vous n'avez pas peur de sauter dans le nid d'araignée d'eau? Non, parce qu'on est au large, ça se tient au bord. Ah oui, OK. Près des quais, non. Plus loin, il n'y en a pas. À un moment donné, on était en pédalo parce qu'on testait un pédalo, il coulait, puis moi, je travaillais justement dans le domaine des bateaux Sidou, puis on vendait des pédalos puis des paddleboards. Puis on arrive au quai, il y avait une grosse araignée d'eau, j'ai breaké, puis là, j'ai dit à mon conjoint, recule, et tu peux pas reculer, tu tiens les pédales. OK, c'est figé, là. J'ai bien raide. Ben, j'ai jamais débarqué sur le quai. On a fait le tour avec le pédalo. J'ai embarqué dans le bateau puis je suis partie à courir pour monter en haut. C'est dégueulasse. Je suis pas capable. Puis il sait, là. Alors, au départ, vous avez nommé la phobie, mais vous n'avez pas sorti le bon nom. Vous êtes arachnophobe. Arachnophobie, OK. C'est ça. C'est l'arachnophobie, donc ça vous fait de vous une arachnophobe. Sauf que c'est okay. Arachnophobe, puis c'est juste une sorte d'araignée. J'ai compris que les autres ne causaient pas problème. Ah! Ben, tout ce qui est gros, les grosses okay. araignées, là, je me souviens pas comment qu'on les appelle, les araignées. Ils ont c'est comme une tête d'aiguille, puis ils ont des grandes pattes. Ça m'écœure pas vraiment. Ils sont pas dégueulasses à regarder. On en voit moins de cette variété-là. On dirait qu'ils sont en voie d'extinction. C'est ça. Là. C'est moins dégueulasse. Ça, c'est celle qu'on effoirait, puis les pattes continuent de bouger, là? Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Moi, c'est vraiment les grosses poilues ou okay. une araignée sur un quai qui se lève debout. Là. Écoute, elle est à plat. Ça se lève. Écoute, moi, je pars courir au bisou. Hey, mais si jamais la chasse à l'araignée poilue était ouverte et qu'éventuellement quelqu'un en tuait assez pour faire un gros manteau de fourrure d'araignée, est-ce que vous seriez du genre à porter ce genre de manteau-là pour encourager la chasse à l'araignée poilue? Jamais. Okay. Jamais. Non. Il y a Guylaine qui demande par Facebook, est-ce qu'on parle de d'autres choses? Ben oui, c'est le temps de faire la pause. Nathalie, vous avez été très divertissante. Merci beaucoup. Parfait. Salut. Ben, bonne soirée. Salut. Bye-bye. Salutations à toutes les grosses poilues, les araignées, bien sûr, qui nous écoutent. Il y a des grosses araignées qui sont assez grosses pour écouter la nuit en direct. 514-790-0224 1-800-667-5241. Les lignes sont disponibles. Alors, la première personne qui appelle, eh bien, vous avez la ligne. J'en profite dans la pause pour vous répondre. La nuit, en direct, en direct. Pour parler en direct avec Louis-Philippe Guy de Montréal. 514-790-0224. Partout au Québec, sans frais. 1-800-667-5241. La nuit, en direct, en direct. La commission débat. Entrevue. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit aussi, c'est Luc, tu es un hater de Trump parce que tu haïs tout de lui, c'est vrai. Mais il y a quelque chose que j'ai pas mentionné, c'est son maquillage. Parce que j'haïs sa voix, j'haïs sa couleur de cheveux. Et son maquillage. Surtout quand il met juste dans sa face, puis il oublie de le mettre dans son cou. Il a l'air d'une scène noire avec une citrouille sur sa tête, puis il y a le cou blanc. Puis tu te dis, coudonc, c'est un bonbon qui a été inventé pour faire peur au monde. La commission avec Nathalie Normando et Luc Ferrandez. En semaine, dès midi, au 98.5 Montréal. Mobilité Montréal vous informe des principales entraves de la fin de semaine. Le pont de l'Île-aux-Tourtes sur l'autoroute 40 sera complètement fermé dans les deux directions. Le péage sur l'autoroute 30 sera suspendu afin d'offrir une alternative aux usagers. La route 136 sera aussi fermée en direction est entre l'échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie. Pour des outils afin de bien planifier vos déplacements, visitez les pages Web et Facebook de Mobilité Montréal. Consultez également Québec 511 avant de prendre la route. 1-877 Cars for Kids. K-A-R-S Cars for Kids. 1-877 Cars for Kids. Donnez votre auto aujourd'hui. Donnez en ligne à carsforkids.ca. Cars avec un K. Le ramassage est facile et rapide. Et en plus d'aider un enfant, vous recevrez un crédit d'impôt. 1-877 Cars for Kids. Donnez votre auto aujourd'hui. On s'est demandé ce qui te convaincrait de venir travailler en concessionnaire automobile. Sûrement qu'on offre des très bonnes conditions, que les horaires sont vraiment flexibles, que l'ambiance de travail est tripante. Tu sais, un milieu, ça accroche. Mais tout le monde doit te dire ça. À place, on va te dire ce que nous, on cherche. Des gens ambitieux, passionnés et qui ont de la drive. T'as même pas besoin de triper ses chars. Si ça, ça te parle, c'est toi qu'on veut. Rejoins un milieu qui avance et postule sur le site de Ma Carrière en concessionnaire. T'as l'air fripé. Je sais, j'ai encore passé la nuit sur la corde à linge. Souffrez-vous de douleurs articulaires qui perturbent votre sommeil? Adrien Gagnon se démarque en lançant son supplément naturel innovateur Sommeil sans douleur. Une combinaison antidouleur dos et articulation qui vous aide à trouver le sommeil. Ce produit 2-en-1 à base de curcuma et d'écorce de saule soulage vos douleurs articulaires. Combiné à la mélatonine, il vous aide à vous endormir. Adrien Gagnon, présentement en rabais chez Jean Coutu. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Pour tout suivre en direct. Pour ne rien manquer lors de vos déplacements, téléchargez l'application Cogeco Média. Cogeco Média. 98.5. Au réseau. au Cogeco Média. Vous écoutez La Nuit, en direct, partout au Québec. De retour à Louis-Philippe Guy. Il est minuit 29 minutes à La Nuit en direct. C'est une émission basée sur vos peurs les plus profondes, les phobies ou des moments traumatisants dans votre vie. Des moments qui se sont passés, ça n'a pas dégénéré une peur, mais vraiment, quand vous y repensez, ça a été un moment où est-ce que vous avez eu vraiment peur. Alors, c'est une émission qui fait la suite d'Halloween, 514-790-0224 et 1-800-667-5241. Je salue Suzanne qui n'a fait que passer. J'ai vu sa ligne sonner, je l'ai mis sur attente, elle a quitté, mais elle va nous rappeler. Suzanne finit toujours par nous rappeler. À tantôt, Suzanne. Et on va y aller avec Stéphane maintenant. Salut Stéphane. Hey, salut LP, ça va? Très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. En passant, LP, tu vas être content. Tes Jets ont gagné à soir au football. Ben oui, tabarnouche. Puis, une soirée où est-ce que je n'étais pas disponible pour les écouter? Ah, ben, mon Dieu, quel drôle d'hasard. Hein? Ouais, c'est ça. C'est comme ça tombe bien mal. Quoique, je dois avouer qu'avec tout le sport que je regarde puis les autres affaires que je fais, c'est rare je m'assois de A à Z devant un match de football. J'aime bien mieux écouter le match en condensé. Ça dure même pas une heure. Quand on regarde juste les jeux, là, ça va tellement vite. Mais comme tes victoires sont tellement rares, LP, ce match-là, tu n'aurais pas en profité pour la regarder au complet. Ben, je vais l'écouter, mais avec justement le condensé, parce que semble-t-il que ça s'est bien passé. Moi, c'est ça, j'ai la phobie que mes Jets perdent et je suis souvent traumatisé. Là. Ben moi, LP, je vais te parler d'une phobie, d'une peur que j'ai eue, mais la peur de ma vie. Écoute, on remonte en 2007. En 2007, j'avais 38 ans. Je t'explique. J'ai deux enfants, un garçon et une fille. Mon fils reste avec moi, tout ça, tout le kit. Je m'endors le soir, on est le 3 septembre 2007. Je m'endors, ça fait à peu près une heure, tu sais, j'ai un sommeil un peu léger. Et je m'endors, LP, je te jure, je consomme pas, je bois pas, je consomme pas. Je quitte mon corps, je suis dans une lumière blanche. Moi, j'ai pas vu de tunnel, je suis dans une lumière blanche. Et là, je comprends qu'il se passe de quoi vite, vite. Je ne sais pas combien de temps qu'il se passe. Puis là, je fais, oh non, ça se peut pas. Je peux pas partir tout de suite. Les enfants, ils ont besoin de moi. OK, parce que vous étiez conscient que vous étiez en train de sacrer votre camp dans un autre monde, là, vous, là. Ah oui, oui, oui. Okay. Je te le dis, là. Puis là, je fais, non, je peux pas partir tout de suite. Les enfants, ils ont trop besoin de moi. À l'époque, mes enfants, ma fille avait 15, mon gars avait 8. C'est ça. Et là, LP, j'ai revenu dans mon corps, okay? Et moi, peut-être un an avant, j'avais. Vous êtes revenu parce que vous aviez les commandes, là. Vous pouviez aller dans les deux directions. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je voulais pas partir. OK. Et je suis rentré, mettons, dans mon corps, OK? Et j'ai eu un mal de côte, mon vieux. Là. Un mal de côte? OK. Il s'était passé de quoi, là? Au côte. Oui, oui, oui. Et là, écoute, j'étais pas capable de parler. J'essayais de parler, de crier. J'étais estomaqué, mon vieux. Je pouvais même pas sortir un son. Ça m'a pris je sais pas combien de temps pour comprendre que c'est réalisé. Écoute bien ça, LP. On est le 3 septembre 2007, OK? OK. Trois jours après, évidemment, ça donne le 6 septembre. Le 6 septembre, c'est l'anniversaire de la mère de ma fille. Mais LP, six mois après, c'est la mère de ma fille qui est décédée. Ben voyons donc. Je te jure, LP, mon vieux. La faucheuse avait gardé l'adresse, là. Écoute, je te le dis, là, je vais me rappeler de ça toute ma vie. Et moi, je connaissais une dame, une médium, et quand je lui ai parlé de ça, elle, la première chose qu'elle me disait, elle dit, quand tu t'es senti revenir, là, elle dit, tu penses-tu, t'as-tu rentré comme par ta tête? Je dis, absolument. Hey, moi, je vais dire que moi, j'allais vous demander tantôt par quel orifice vous étiez rentré. Fait que là, elle est allée par la tête. Par la tête, puis okay. Comme dans l'ensemble de mon corps, mais par la tête, ben, elle m'a dit, Stéphane, t'as vraiment fait un voyage astral. LP, je te jure, dans mon monde réel, moi, je croyais que j'étais décédé. Écoute, je te dis, j'étais dans une dimension blanche, là, mais blanche. J'ai pas vu personne de l'autre côté. J'ai juste dit, oh non, pas déjà, ça se peut pas. Je peux pas tout de suite, les enfants, ils ont trop besoin de moi. Je peux pas, je veux pas, je veux pas. Et j'étais dans une panique, dans une détresse, dans une panique. Et comme je te dis, je suis rentré, mettons, dans mon corps, puis LP, j'étais pas capable de parler. J'avais mal. Mais pendant combien de temps, ça, ce mal de côte et cette muétude? Ben, écoute, le mal de côte a duré des journées. Ouais. OK? Puis LP, je te dis là. Avez-vous fait un examen médical complet pour savoir ce qui s'était passé? Exemple, crise de cœur, choses comme ça, là, c'est important. Mal aux côtes, là. Il s'est passé de quoi là, là? Ben écoute, non, j'ai pas fait d'examen, mais moi, un an avant, j'avais tombé sur la glace. OK. J'avais déjà eu quelque chose aux côtes, un an avant. Mais tu sais, pas rien eu après. Là, tu sais, les côtes, il n'y a pas rien pour ça. Là, c'est une couple de semaines. Mais comme il n'y a pas de dis, plâtre à côte, là. C'est ça. Non, ça. Vraiment pas. Il ne faut juste pas que tu éternues. Je peux te dire ça, là, parce que c'est des poumons. Pliés. Mais comme je te dis, c'est arrivé le 3 septembre, trois jours après, c'est la fête de la mère de ma fille, qui est le 6 septembre, et c'est elle qui passe. Six mois après, inattendu, un cancer foudroyant, mon vieux. Ah oui, OK. Suis... Et au moment où est-ce que c'est arrivé, est-ce qu'elle avait le cancer? Non, du tout. OK. Non, ça s'est déclenché après les fêtes et ça s'est déclenché très rapidement. J'ai pas d'explication rationnelle. Je suis quelqu'un qui a de l'ouverture. Je suis quelqu'un de terre à terre. Je consomme pas, je prends pas rien. Mais je te le dis, puis j'ai vraiment eu une frousse, mais une peur. J'ai vraiment quitté mon corps. J'étais dans une espèce de lumière. Moi, j'ai pas vu de tunnel, là, truc noir. J'étais dans une espèce de lumière blanche. Et là, je comprenais qu'il se passait de quoi de surnaturel, si tu veux. Puis là, j'étais comme, non, je veux pas, je peux pas. Les enfants, ils ont trop besoin de moi. Je te dis, là, j'ai été mais traumatisé pendant des semaines. Écoute, le soir, je voulais même plus dormir. Est-ce que vous en aviez parlé avec la mère de votre enfant là, de ce que vous est-ce que vous avez partagé en fait, à vos proches? On n'était plus ensemble. C'est ça, on se parle des fois. Mais oui. Écoute, on avait une belle relation, mais j'en ai pas parlé. Okay. J'en ai parlé, mes enfants l'ont su après, mais je veux dire, j'en ai pas parlé à elle. Je n'ai parlé un peu dans mon entourage, puis mes amis, mes chums. Me connaissent, me croient, ils disent, écoute, c'est invraisemblable, c'est unique, mais je te le dis, LP, une frousse de même, mais que l'autre affaire arrive six mois après, je sais pas, mon vieux, j'ai pas de réponse à ça, mais il n'y en aura peut-être jamais de réponse à ça, et puis la personne qui nous écoute, qui est plus terre à terre, comme je le suis, ben, elle a dit, ben, tu sais, des fois, il y a des rêves très, très réalistes, puis on peut se lever avec le mal de bloc, puis on peut avoir une mauvaise position de quand on dort. Fait que ça, c'est la version, tu sais, plus terre à terre scientifique, puis une personne qui, disons, pense, puis il y a beaucoup de gens par la messagerie qui croient en l'existence des voyages astrales, ben, ça correspond à la description que vous avez donnée. Moi, les deux, écoute, cette nuit, là, je vais entendre plein d'histoires, Stéphane, puis mon rôle n'est pas de juger ce que vous allez me partager. Ben écoute, LP, moi, je suis pas là non plus pour vendre rien. Ce que je peux te dire, c'est que quand je suis rentré à l'intérieur de mon corps, si tu veux, là, oui. Et ça fait mal. Écoute, moi, LP, là, tu l'as déjà vu, là, un de mes bons chums, tu le connais bien, c'est Bob de la Chenet. J'ai la shape à Bob de la Chenet. OK. Vous êtes un LV déménageur aussi? Non, je suis pas déménageur, okay. Mais je suis le plus vieux chum de Bob de la Chenet. C'est pour ça que quand je te parle LP, on s'est connus dans une autre station, mais ça, c'est un autre... Bref, tout ça pour te dire que quand je suis rentré comme par la tête de mon corps, LP, ça faisait mal de rentrer dans mon corps. C'était comme si tu rentres dans quelque chose de serré. Ben, je comprends. Le corps, là, il est pas lousse, là. Il est tight, là. Tu sais, quand on met un T-shirt 2XL, quand on porte du XL, c'est tight. Mais rentrer dans son corps, ça doit être un peu comme rentrer dans du médium quand tu portes du XL. Il n'y a pas un millimètre d'espace, là. Hey, essaye donc de remettre ta peau après de l'avoir enlevé, là. Ben, c'est à peu près ça. Mais comme je te dis, LP, pas capable de dire un son, de parler. J'étais figé là, mon vieux, après. Écoute, au moment où on se parle, là, je viens de vivre la résurrection des messageries textes. Ça marchait pas, puis là, ça marche. Miracle technique. Quelqu'un m'écrit ici, « Ouf, ce qu'il dit, ça m'est arrivé. Moi, j'ai eu un mal de cou en forçant pour revenir. » Ah? Ben écoute, LP, je te le dis, tu peux avoir de surprise en surprise. Écoute, moi, je suis quelqu'un de très terre à terre. Je donne la chambre, mais après ça, vous avez pas eu d'autres épisodes qui vous font croire en d'autres choses. Peur. J'ai eu très peur, même que des fois de le soir, je voulais plus comment faire. Je voulais pas nécessairement en faire avant non plus, mais je voulais plus en faire de. Pourtant, je suis quelqu'un qui est très ouvert au phénomène paranormal. Si OK. Tu veux. Mais bon, déjà, vous avez une certaine ouverture. OK. J'ai une très bonne ouverture à ça, mais je peux te dire que j'ai eu la frousse de ma vie. Puis malheureusement, ben le pire, c'est coïncidé quelques mois après, à peine, avec la date. de la mère des enfants. Là. Lynn m'écrit, ça m'est déjà arrivé suite à une perte de conscience parce que je ne filais pas. J'ai été dans le tunnel, j'ai vu la lumière comme Stéphane. Et depuis ce temps-là, je confirme que je n'ai pas peur de mourir, mais pas tout de suite. Je confirme que dans le tunnel, c'est calme en tabarnouche. Fait qu'il est un peu plus en ordre que le pont-tunnel de La Fontaine. DLP, c'est drôle là, que tu viennes de lire ce message-là. Évidemment, c'est pas la même, là, mais ma femme, ma première femme qui est décédée, là, oui? elle se prénomme Lynn. Ah oui, tabarnouche, hein? Je te jure, incroyable, là, incroyable. Elle se prénomme Lynn. C'est incroyable. C'est les synchronicités, mon cher Stéphane. Merci de votre appel. Passez une bonne nuit, puis ben pas trop de douleur au chest, là. Non, on fait attention, puis on continue à suivre le football, puis on écoute toujours LP la nuit. Excellent, bon réflexe. Je garde ça pour la salut, promo. LP. Salut, attention Stéphane. À toi, bon week-end. Allez, à la prochaine. Je vais aller prendre une ligne à la volée dans le 418. Oui, allô, qui parle? Oui, salut, c'est Jacques. Salut, Jacques. Et le 418, c'est immense. Vous êtes de où, mon cher Jacques? De la sud de Québec. La rive sud de Québec. Êtes-vous volant d'un véhicule présentement? Oui. OK, parfait. Gardez le main libre, c'est pas grave. Si jamais vous étiez dans votre divan, je vous aurais dit de prendre le combiné, mais vous êtes, c'est bien correct, vous êtes en sécurité présentement. De quoi avez-vous peur, mon cher Jacques? Moi, il y a une dizaine d'années, j'ai eu une grosse accident. OK. Et. À l'époque où c'était féminin, là, les accidents. Comment tu. À l'époque où l'accident était féminin. OK, parfait. Il y a 10 ans. C'est ça. Un gros accident. Là. Dans le bolide, c'était accident mortel. Oh, OK. Donc, ils ont écrit accident mortel. Là. Oui, parce que les ambulanciers m'ont masqué. OK. Fait que vous êtes mort, puis pas... vous êtes revenu à la vie. C'est ça. Sauf que moi, j'ai pas vu la lumière. Aucun tunnel. Peut-être que. Mais ça, c'était avant Pierre Fitzgibbon, fait qu'on n'était pas encore en économie d'énergie. Là. Hey, bonne salle-là. Mais. Sauf que moi, j'ai vu le film comme un film de ma vie. OK. J'ai vu, là, quand j'étais jeune, puis que c'était un réveillon de Noël, j'ai vu des ongles, des dents. J'ai vu un de mes beaux-frères qui était décédé. J'ai vu un de mes meilleurs amis. Puis, à un moment donné, ça a fait comme un déclic. Je revenais à moi. Je peux pas dire le nombre de temps que ça s'est passé. Jacques, gardez la ligne. On va faire une petite pause. On revient avec vous dans deux minutes. Il y a des lignes disponibles. 514-790-0224, 1-800-667-5241. La base de l'émission, racontez-moi un événement qui a été peurant dans votre vie ou une phobie que vous avez. On se parle au retour de la pause. La nuit, en direct, en direct. Pour parler en direct avec Louis-Philippe Guy de Montréal. 514-790-0224. Québec, sans frais. 1-800-667-5241. La nuit, en direct, en direct. Ici Frédéric Labelle. On me surnomme souvent l'anthropologue maison. Je passe beaucoup de temps à observer le monde qui m'entoure avec un regard critique et parfois ironique. Ça fait jaser autour de la machine à café. L'agacé le matin, en semaine 5h30 au 98.5 Montréal. L'inimitable. Vous déneigez votre cour à la pelle. Vous faites un seul voyage de sac d'épicerie, même quand vous achetez deux melons d'eau. Vous êtes fait fort. Mais les virus aussi. Faites-vous vacciner gratuitement contre la grippe et la COVID-19. Si vous vivez avec le diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie du cœur, des poumons ou des reins, si vous êtes enceinte ou si vous avez 60 ans ou plus, vous êtes plus à risque de complications. Informez-vous et prenez rendez-vous au québec.ca/campagne-vaccination. La vaccination, c'est la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec. Bon, ça, c'est le plan de match. La rondelle dans le but. Il est à qui le match? Ben, il est à nous autres. Vous vous sentez épuisé après un effort physique ou mental? Adrien Gagnon lance Energex Récup sans sucre, en ampoule et au délicieux goût de cerise. Sa formule naturelle au triple ginseng vous aide à réduire la fatigue et à augmenter votre niveau d'énergie pour retrouver rapidement le meilleur de vous-même. Adrien Gagnon, présentement en vente chez Jean Coutu. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Mobilité Montréal vous informe des principales entraves de la fin de semaine. Le pont de l'île aux Tourtes sur l'autoroute 40 sera complètement fermé dans les deux directions. Le péage sur l'autoroute 30 sera suspendu afin d'offrir une alternative aux usagers. La route 136 sera aussi fermée en direction est entre l'échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie. Pour des outils afin de bien planifier vos déplacements, visitez les pages Web et Facebook de Mobilité Montréal. Consultez également Québec 511 avant de prendre la route. Attention, malgré toutes les précautions prises, personne ni aucune entreprise au Québec n'est totalement à l'abri d'un sinistre causé par l'eau, le feu ou la fumée. Peu importe la cause, peu importe l'ampleur et peu importe où ça se produit, rappelez-vous que personne au Québec n'a autant de techniciens et d'équipements pour intervenir vite et bien en cas de sinistre. L'entreprise de confiance à contacter, c'est Calinet. Calinet, le leader après sinistre partout au Québec 24/7. Problème de vis caché? Lane Avocat, une équipe d'expérience aux stratégies gagnantes. Lane Avocat, pour obtenir l'heure juste. LaneLegal.com. L'actualité est en constante évolution. Pour tout savoir, pour tout comprendre, suivez-nous en onde. Sur le web, 98.5fm.ca. Le 98.5. L'inimitable. Partout au Québec, jusqu'à 3 heures du matin, vous écoutez La Nuit, en direct. De retour à Louis-Philippe Guy, au réseau Cogeco Média. Minuit 45 minutes, c'est rare qu'on a l'occasion de parler avec une victime d'un accident mortel, mais c'est le cas de Jacques qui a été ramené à la vie et qui a vu pendant la période là, avant que les premiers répondants réussissent à le ramener avec nous autres, il a vu pendant une certaine période un court ou un long métrage, Jacques, de votre vie. Je peux pas dire si ça a été long ou pas, mais j'ai vu plein d'étapes de ma vie. Et j'ai trouvé ça assez spécial parce que j'avais déjà entendu parler que ça pouvait arriver, là, que tu peux avoir des séquences de ta vie. Mais moi, je croyais pas à ça. Puis quand je l'ai vécu, je me suis dit c'est la première et la dernière fois que je vis ça. OK. Et donc, après ça, est-ce que vous avez un peu investigué, lu là-dessus, parlé à des gens à qui c'est arrivé? J'ai été voir sur le net. J'ai été aussi à la librairie. Puis il y a certaines personnes là, qui confirment là, que lorsque tu décèdes, il y en a qui voient la lumière ou le tunnel. Moi, je n'ai jamais vu ça. La seule affaire que j'ai vue, c'est des séquences de ma vie. Hey, voulez-vous que je demande à Lucille, c'est le tunnel, là, comment les scientifiques l'expliquent, l'histoire du tunnel? Je serais intéressé, moi, à savoir. OK, je vais lui demander à Lucille. Ben oui. Alors voilà. Allô, Lucille, pourrais-tu m'expliquer pourquoi les gens qui vivent une expérience de mort imminente voient à peu près tous, pas tous, là, mais à peu près tous, un tunnel avec une lumière au bout? Salut! Ah, les expériences de mort imminente, c'est fascinant ça. Alors, l'idée du tunnel avec une lumière au bout, c'est assez commun dans les récits. Certains scientifiques pensent que ça pourrait être dû à des changements dans le cerveau quand il est privé d'oxygène, provoquant des visions ou des illusions. D'autres suggèrent que ça pourrait être lié à des expériences spirituelles. C'est un mystère encore non résolu. Ben, c'est non résolu. On n'a pas appris beaucoup de choses de plus, Jacques. Tabarnouche. J'espère qu'il y a des gens qui se penchent là-dessus, parce que ça voudrait dire qu'il se passe de quoi après qu'on meurt. Et ça, tout le monde souhaite ça. Là. Ouais? Ah oui? Je suis sûr certain qu'après la mort, il se passe d'autres choses. Oui, le corps décède, le corps c'est terminé, mais l'esprit, elle doit sûrement faire autre chose. J'espère qu'ils fournissent le popcorn quand on écoute le film de sa vie. J'espère. Puis une petite manette pour avancer des bouts. Moi, il y a des bouts que j'avancerais, là. Oui, il y a certains bouts. Il y a des bouts que j'ai circulé, puis... mais j'ai été, là, 2-3 jours, là, à l'hôpital, là. Que, je repensais à ça, là, puis j'en avais la chair de poule. Là. Merci, Jacques, d'avoir appelé. Passez une bonne nuit. Ben toi aussi, puis c'est le fun de t'entendre, on est dans le chemin, je suis camionneur moi avec. Excellent. Ben, passez une bonne route, Jacques, et salutations à tous les camionneurs qui sont à l'écoute. Richard est le suivant. Salut, Richard. Ça va? Ah, bien, vous? Ben oui. Première fois que j'appelle. Première fois, OK. Donc, il fallait que le sujet là, vous intéresse vraiment là, pour que vous appeliez. Moi, comme moi, j'ai fait deux arrêts cardiaques. OK. La première, je l'ai faite à l'hôpital. Je me suis vu, je suis parti là, je n'ai pas eu connaissance. Et j'ai vu les médecins qui me tiraient après les jambes pour ne pas faire le valet. À ce moment-là, là, j'étais. Richard, juste avant que vous poursuiviez, est-ce que vous êtes au volant de votre véhicule présentement? Oui, je suis à bien libre. OK, ouais, c'est ça. Parce que le son était so-so, mais on va essayer de bien vous comprendre. On va essayer de vous suivre. Je suis parqué pour ça. Ah, si vous êtes stationné, la main est libre, là, on sac au bout de ses bras puis on prend le téléphone dans sa main. C'est justement ce que j'ai fait. OK, parfait. C'est pas une ultra-amélioration, mais on va vous écouter quand même. On vous suit, Richard. Continuez. Oh, puis après, je voyais les médecins me tirer après les gens pour me ramener à moi. Puis après, ça, pour leur m'en aller, je ne sais pas aller, puis il y a ça dans ma tête, ça. Puis après, c'est comme, ils m'ont raté. Parce qu'ils m'ont, là, j'ai eu mal au cou parce qu'ils m'ont donné un message cardiaque. Richard, désolé, c'est inaudible. Absolument inaudible. On n'arrive pas à vous entendre assez bien sur les ondes, Richard. Je suis désolé, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. C'est peut-être la première fois que vous appelez, et puis je ne sais pas c'est de quelle région, je ne sais pas quelle sorte de Nokia 92 vous avez comme cellulaire, mais ça sonne... En tout cas, j'ai mon cellulaire, puis des fois, j'ai bien des troubles à l'œil. En tout cas, vous êtes. Pas le faire changer, là. Vous êtes bilingue, en tout cas, parce que des fois, c'est français, des fois, c'est chinois. Salut, Richard. Merci beaucoup. Salut, parfait. On va continuer, puis aller jaser avec Nathalie. Salut, Nat. Oui, salut, comment ça va? Ça va bien. De quoi avez-vous peur, Nathalie? Hey, moi, c'est depuis qu'on a eu un accident d'auto en s'en allant en vacances vers l'Ontario, en plein été, il faisait des grosses chaleurs. Il y a eu comme c'est pas moi qui conduisais, mais en tout cas, depuis cet accident-là, moi, il faut que je conduise. C'est pas que j'ai pas confiance envers les autres, c'est plutôt envers les gens sur la route. Il y a tellement de monde sur les routes maintenant, hein, puis là, les gens sont impatients. Ouais, mais là, je comprends que si vous conduisez, si vous êtes en contrôle de l'auto... Oui, j'ai pas peur. OK, c'est quand vous êtes passagère. Depuis cet accident-là, là, tu vas me dire que tu aurais dû faire une thérapie. Ouais, oui, thérapie en faire une. Oui, mais on a d'autres combats aussi dans la vie. Puis j'ai choisi d'autres choses aussi pour faire une thérapie. Mais je suis allée en physiothérapie, ça rime, pendant 6 mois de temps, par exemple. On a été chanceux, vraiment chanceux. On s'occupe plus de nos articulations que notre coco, hein? Ben, c'est parce que là, sinon, j'aurais été obligée d'arrêter de travailler. Okay. J'ai resté avec des migraines, là. Des maux de tête, des migraines, j'en fais encore, mais beaucoup moins souvent. Je peux vous dire que c'est un délit de fuite. La personne n'a pas fait son angle mort. Oui, okay. Ils n'ont jamais retrouvé la personne. Ils nous sortaient par les fenêtres. Là, OK, l'auto était mal en point à ce point-là. Okay, complètement, c'est une camionnette. Là, comme l'élément de Honda, ils n'en font plus de ça. Élément de Honda, puis les ambulanciers qui arrivent en premier sur les lieux d'accident en Ontario, en tout cas, c'était comme ça il y a quelques années, puis ils ont dit c'est grâce au véhicule. Ah oui? It's like a tank, là, comme okay. De l'armée. Donc c'est l'élément qui va sauver la vie, là. Oui, absolument, absolument. Tu sais, c'est sûr que je suis craintive. Moi, j'adore conduire. Des fois, je pars juste faire un tour de machine, là, pas non seulement le dimanche, mais n'importe quand. Mais j'adore ça, puis j'amène ma mère de 89 ans aussi. Puis, mais faut que je conduise. Est-ce que ça inclut l'autobus, le train, vous non. devez conduire? Non, non, OK. Non, absolument. Ben non, tu sais, non. Sinon, je serais allée suivre des cours. Oui, c'est ça. Viara, il est un peu tanné que vous demandiez d'être avec le pilote en avant, là. Sinon, ils vont me mettre dans le rack à bicycle. Oui, c'est ça, exactement. Comme la femme du président, du premier ministre McDonald. Je ne sais pas si vous écoutez les meilleurs les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. J'écoute la Chambre des communes plus le matin, mais... En tout cas, si jamais vous écoutez le podcast, les pires moments de l'histoire, là, quand vous arrivez sur le train, l'histoire du train au Canada, l'histoire ferroviaire, le développement ferroviaire, la femme de McDonald, elle se mettait en avant. Ah oui? En avant, mais pas dans la locomotive, là. En avant de la locomotive, là où il y a l'espèce de... Il y a l'espèce de pic, là, pour les animaux, là. Oui, c'est ça. L'éperon, c'est ça, l'éperon. Puis elle était debout ou elle était pas assise? Debout là-dessus, en train de crier, puis rire, puis avoir du fun. Elle était folle raide. C'est dangereux. C'est plus dangereux, là, qu'assis, oui. Puis attachée. Mais je pense que le premier ministre aimait ça qu'elle soit là, parce qu'elle avait la paix, dans le, et puis il buvait beaucoup d'alcool dans les wagons en arrière. C'est ça que je comprends de l'histoire, Dieu. Là. Non, j'ai pas peur en train, en autobus, mais l'avion, j'aime plus ou moins ça, là, parce que, bon... Tu sais, là, avec tout ce qui se passe dans le monde, tu peux avoir un foufou, là, qui fait un détournement. Hey boy, ben là, c'est rendu qu'on enlève nos AirPods pour être sûr qu'il n'y a rien dedans, là. Ils checkent ça, là. Moi, honnêtement, l'avion, là, c'est... J'ai pas peur, tu sais, la fameuse peur qu'il y a eu après le 11 septembre, là, que dès qu'il y avait un barbu, on le regardait croche, le tabarnouche, je sais pas du tout, on passe à travers tellement de sécurité. Je sais pas si vous l'avez pris récemment, là. Ça fait longtemps. Mais ça se peut. Est-ce que vous conduisiez, là? Non, mais ça se peut. Mais là, je vais conduire pour me rendre à l'avion parce que ça se peut que j'accompagne ma mère et sa chum dans une croisière. Puis je m'étais toujours dit, je n'irai pas faire de croisière parce qu'il y a trop d'abondance là-dessus. Mais je veux pas, à 89 ans, je veux pas qu'elle parte seule avec son ami. Que là, on s'en irait en auto, peut-être jusqu'à Miami. Puis là, parce qu'il y a un gros, gros rabais, puis là, on prendrait la croisière là, en février. Que la croisière s'amuse. Moi, ça sera pas des vacances, mais je pense que je vais tenir. J'ai dit à maman, j'ai pas la trousse de premiers soins, trois VFI. Puis, ah ouais, non, mais c'est parce que j'ai travaillé longtemps dans les premiers soins, tu sais, que c'est l'hypervigilance, là. Mais là, elle dit, laisse faire les VFI, il y en a. Je dis, oh, il y en a pas pour tout le monde. C'est les vêtements de flottaison individuelle. Ah, oh, OK. Les ceintures de sécurité. Imagine Rose embarque dans le Titanic. J'ai ma flotte! En tout cas, si on s'y joint qu'eux autres, on va prendre des photos et on va vous envoyer ça, certains. Puis Jack lui répond, j'ai ma porte! Hey, j'ai même montré le kit hier. Elle dit, t'es folle. Mais je dis, c'est ça, trois VFI, on est trois. Oui, la trousse de premiers soins. Ah, elle dit, vas-tu mettre trois plasteurs? Je dis, ben non, la boîte. Mais allez-vous embarquer avec la veste de flottaison? Parce que là, les autres vont se dire, tabarnouche, ils prévoient-tu, eux autres, faire couler le bateau, là? Partir avec le magot? Oh mon doux geste. Non, c'est parce que là, je nous imagine, toi, ma mère est bien, bien comique, hein. Puis là, ben moi, des fois, je suis comique aussi. Puis sa chum est encore plus comique. Nous autres, ils vont nous remarquer. Ils vont nous remarquer. Pour moi, la prochaine croisière, elle va être gratuite. Fort probablement. Voilà. Fort probablement. Ouais. Hey, j'ai une chanson pour vous. C'est juste tout le temps d'aller la chercher ici. Vas-y donc, ouais, là. C'est ça, ouais, j'ai. Si le silence tombe pour couper l'amour en deux, vous savez tout faire pour ça. Monter un beau grand bateau. Oui, c'est ça. C'est faute si je me rappelle à vous. Je pense, à vous. Jeune. Hein, il est mort trop jeune. Ben oui, je pense à vous qui monte, là. Vous m'avez monté un beau grand bateau. J'ai même amené ma flotte. Vous m'avez fait de bien. Oh, ça va nous faire du bien. Ouais, bon voyage en bateau, puis ça doit être le fun de piloter ça sur les eaux, là, naviguer, ma chère Nathalie. À la prochaine. Elle est partie. C'est moi qui l'ai fait partir. Tabarnouche, j'ai des pitons partout, je pèse dessus, mais je m'en rends même pas compte. C'est contre ma volonté. C'est tout. On continue après la pause dans un instant. La nuit, en direct, en direct. Pour parler en direct avec Louis-Philippe Guy de Montréal. 514-790-0224. Partout au Québec, sans frais. 1-800-667-5241. La nuit, en direct, en direct. Tu sais, j'ai fait un documentaire de voyage. On allait à Montréal. À Laval. Oh, je pensais... J'ai compris à Laval. Oui, j'ai compris à Laval. On allait à Laval. On avait 8 jours de portage, on allait à Laval. Façon standard de Romane. Même le week-end, avec Élisabeth Crête. Les samedis et dimanches, dès 7h. 98.5, Montréal. Vous déneigez votre cour à la pelle. Vous faites un seul voyage de sac d'épicerie, même quand vous achetez 2 melons d'eau. Vous êtes fait fort. Mais les virus aussi. Faites-vous vacciner gratuitement contre la grippe et la COVID-19. Si vous vivez avec le diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie du cœur, des poumons ou des reins, si vous êtes enceinte ou si vous avez 60 ans ou plus, vous êtes plus à risque de complications. Informez-vous et prenez rendez-vous au québec.ca/campagne-vaccination. La vaccination, c'est la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec. Ce que vous n'entendrez jamais de votre vie. Ma, pour mon party, je prends la codéine qui reste dans le pot de pain pour son mal de dos du mois dernier. Ce que vous ne voulez jamais entendre de votre vie. Ça arrive malheureusement trop souvent. Les ados se disent que c'est pas si dangereux si ça guérit le mal de dos. Si vous laissez vos médicaments à la portée de n'importe qui, n'importe quoi peut arriver. Jeunesse sans drogue vous rappelle l'importance de garder vos médicaments dans un endroit sécurisé et de rapporter vos médicaments inutilisés à la pharmacie. Visitez jeunessesansdroguecanada.org pour plus de conseils. Attention, vous souffrez de façon chronique d'irritation des yeux, du nez ou de la gorge? Vous suspectez la présence de moisissures ou d'un autre contaminant dans votre résidence? Pour en avoir le cœur net, demandez à Calinette un test de votre air intérieur. Au besoin, Calinette sera en mesure de corriger la situation grâce au traitement de l'air ou par un travail ciblé de décontamination. Calinette, pour votre qualité d'air. Calinette, pour votre qualité de vie. Pendant que vous fêtez les 2 ans de Charlotte avec toute votre famille, l'AMF veille. Pendant que vous pédalez comme un forcené sur votre vélo stationnaire pour retrouver votre forme d'antan, l'AMF veille. Pendant que vous regardez en rafale votre série préférée, l'AMF veille sur vos dépôts en les protégeant au cas où une institution financière provinciale ferait faillite. Continuez de profiter de la vie. L'AMF veille. Pour en savoir plus, consultez l'autorite.qc.ca. Un message de l'Autorité des marchés financiers. Les dernières nouvelles. Écoute en direct. Balado diffusion. Info, circulation. L'application. Cogeco Média. 98.5. Partout au Québec. Cogeco Média. Parce que vous voulez tout savoir. Partout au Québec, jusqu'à 3 heures du matin, vous écoutez La Nuit, en direct. De retour à Louis-Philippe Guy, au réseau Cogeco Média. Il est 1 heure, probablement le pire moment pour partir à la course pour remplir ma bouteille d'eau. Parce que là, je dois faire la météo, puis là, je viens de courir. Hein? Fait que là, OK, on va y aller cardio. 22 degrés présentement à Montréal. Ça, là, ça doit être la nuit record du 1er novembre. Il n'y a jamais fait 22 degrés le 1er novembre à 1h du matin. Là. Je ne peux pas croire que... Hein? Il fera 17 aujourd'hui. C'est un week-end où on retourne à l'automne, 6 et 7 degrés. C'est pas mal la tendance partout au Québec. Encore des averses du côté de Gatineau, du côté de Sherbrooke aussi, mais il va faire beau quand même aujourd'hui. 15 degrés pour Trois-Rivières. Des averses à Québec, dans le Saguenay. Ça revient en fin de semaine, le soleil, mais c'est de la pluie aujourd'hui. Bas-Saint-Laurent, Baie-Comeau aussi. Gaspé, de la pluie aujourd'hui, mais soleil en fin de semaine. Et en Abitibi, jour de neige aujourd'hui et soleil en fin de semaine. À la nuit en direct, on parle des peurs cette nuit. Mathieu est avec nous. Salut, Mathieu. Salut. Moi, je te dirais, ma plus grande peur, c'est arrivé en août 2018. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'avais été dans un camping aux États-Unis. Fait que déjà, on est dans un autre pays. Puis, c'était quand même un gros camping. Puis, à 4h30, 5h du matin, mon ex, à l'époque, me réveille. Puis, parce qu'on avait une grande tente, puis elle dit, les enfants ont disparu. Fait que là, je me réveille, j'étais en train de dormir. OK, mais les enfants ont disparu. Les enfants ont disparu. Fait que là, j'étais à moitié endormi, je me réveille, je sors de la tente. Puis pendant 15 minutes, je tourne en rond dans le camping où la majorité du monde dorme. J'essayais de voir des personnes qui étaient réveillées, mais c'était vraiment la fin du monde pour moi. Ben oui. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, les enfants, ils ont peut-être été à la toilette, aux douches, quelque chose de même. Ils sont pas là nulle part. Fait que là, à un moment donné, je reviens à la tente. Puis, parce que mon ex, à l'époque, elle avait continué de rester dormir. Fait que là, je les trouve pas. J'ouvre la tente, puis je me rends compte que elle avait pitché une couverte, ses enfants, mais les enfants étaient dans la tente. Fait que c'est une des rares fois que j'ai vraiment été pas content. Parce que là, à un moment donné, tu dis, toi, tu dors pendant ce temps-là. Moi, j'ai la peur de ma vie parce que je pense que mes enfants se sont fait kidnapper dans un camping. Tu peux pas rentrer dans les tentes du monde parce que là, tu vas passer pour un fou. Puis, mais ça a été vraiment, je te dirais, ma plus grosse peur. Mais quand tes enfants disparaissent... Mais les enfants étaient cachés, c'est ça? Mais dans le fond, elle, quand elle s'est réveillée dans la nuit, elle a pitché sa couverte, ses enfants... Elle s'est réveillée, elle a dit « les enfants sont pas là ». Elle m'a réveillé moi, fait que moi je suis sorti en trombe dehors de la tente. Puis elle, elle s'est rendormie. Mais moi, pendant ce temps-là, je cours dans le camping, là, je sais pas que les enfants sont dans la tente. C'est ça, OK. Les j'avais de la misère à comprendre, ils étaient rendus où, les enfants, dans l'histoire. Là. Non, c'est ça. Ils n'ont jamais quitté la tente. C'est ça. Mais moi, je me suis fait dire que mes enfants avaient disparu. Ah, okay, ça a été ma plus grosse peur. Fait que dans le fond, dans un camping aux États-Unis, oui, je parle très bien anglais, mais quand tes enfants, tu penses qu'ils ont disparu, là, c'est la fin du monde. Oui, je comprends donc, tabarnouche. Je comprends donc. C'est... En plus, on n'est pas chez nous, là. Tu sais, de se mettre à parler à tout le monde, montrer des photos des enfants, vous les aviez, j'imagine? Est-ce que c'était à l'époque du cellulaire? Bien, même à ce moment-là, j'avais même pas mon cellulaire sur moi parce que je courais dans un camping. Mon premier réflexe, quand on m'a dit « les enfants sont pas là », c'est sortir de la tente pour essayer de voir s'ils sont alentour et non pas prendre mon cellulaire et dire « je vais montrer la photo à mes voisins de tente », tu sais. Fait que là, tu cours dans une espèce de camping. Il y avait certaines personnes qui s'étaient réveillées pour voir les levées de soleil, ces affaires-là, tu sais. Puis là, je leur parlais un peu, mais tu sais, les autres, ils n'avaient pas vu mes enfants, ils étaient encore dans la tente. Puis tu sais, dans un camping, voir deux enfants, il peut y en avoir des tonnes d'enfants qui se promènent dans un camping. Fait que ça a été ma plus grosse peur. Ben je comprends très bien quand c'est nos enfants. Je me souviens très bien d'un moment là, j'étais à la radio, puis j'avais ma fille qui avait quelques mois seulement. Je pense qu'elle avait 6, 7, 8 mois. Elle était assise sur un siège qu'on pouvait. Ça s'appelle un bumbo. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est comme un caoutchouc, là. C'est ça. Elle était assise là-dessus sur le comptoir, puis elle avait sacré le camp en bas du comptoir. Fait que c'est une bonne chute quand même pour un bébé. Puis j'avais quitté mon émission, quelqu'un d'autre m'avait remplacé, j'avais accouru. C'était quelque part en 2014, fin 2014, début 2015. Puis t'allais à l'urgence avec elle. Finalement, ben, t'sais, ça répondait bien au triage. Ils nous ont dit, pas besoin de rester, là, surveiller telle ou telle chose. Des fois, elle a une commotion, mais pas besoin de rester à l'hôpital. Puis on a eu très, très peur. Mais tu sais, quand c'est des enfants, puis j'ai jamais vécu votre peur là, d'une disparition d'enfants. Mais on doit être hors de nous, surtout avec tout ce qu'on entend d'enfants disparus qui sont jamais retrouvés là, ou des années plus tard. Tu sais, il y a beaucoup d'enfants comme ça aux États-Unis. Là, quand on va dans un Walmart, là, il y a un mur complet d'enfants disparus qui sont jamais retrouvés. C'est sûr que tout ça nous passe par la tête pendant ces secondes-là. Ça a duré, je te dirais, les 15 minutes les plus longues de ma vie. Mais regarde, je m'en suis remis, c'est correct, puis on pense à d'autres choses, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient appelé, fait que je voulais juste donner ma petite peur. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Salut, okay, à la prochaine, mon cher Mathieu. Merci beaucoup. On va continuer à la nuit en direct à prendre vos appels. On a perdu Lynn qui aurait parlé très, très bientôt, mais on a Stéphane avec nous, un deuxième Stéphane cette nuit. Salut, Stéphane. Bonjour, Louis-Philippe. Bonjour, Stéphane. Moi, ma plus grande peur, là, c'est les fantômes. Les fantômes, pour vrai? C'est une vraie peur des fantômes, pour vrai? Ouais, quand j'étais enfant, je me réveillais la nuit, puis je voyais quelqu'un qui était assis dans la chaise de ressemble, puis j'avais peur. Je restais réveillé jusqu'au petit matin, puis je dormais pas. Mais là, ça, c'était enfant, là, aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, mon frère, il va te raconter quelque chose, Philippe. Mon frère, il habite dans une maison intentée. Il me l'a dit. La maison est intentée. On entend le store ouvrir, puis une bille rouler. Bon, je me dis, c'est vrai, c'est pas vrai. Attends, j'avais 40 d'années dans ce temps-là. Fait que une nuit, j'entends ça, la bille rouler, tu vois. Ping, ping, ça roule dans le passage. Ben, j'ai tabarouette. Le lendemain matin, j'ai dit à mon frère, il dit, c'est pas, il est pas dangereux, le fantôme, on a fait venir un prêtre, puis la sauge, puis toute la bataille. Attendez, vous avez fait, vos parents ont fait ça? Non, pas mon père, mais mon frère. Votre frère, OK. Le prêtre, tout ça, la compagnie, là. Ouais. Puis mon frère, il est connecté beaucoup spirituel, puis il travaille sur les bateaux. Puis les bateaux sont hantés. Tous les bateaux, ils ont des fantômes qui vont là-dessus. Ils me le disent. À un moment donné, écoute, Louis-Philippe, une preuve, là. Il m'appelle, il me dit, Pierre, il est mort d'une crise cardiaque. Ben, je dis, comment ça que tu le sais? Ta blonde te l'a dit. Il dit, non. Il dit, il est venu moi sur le bateau. Je l'ai vu. Ben, je lui dis, voyons, là, tu me niaises. Je l'ai pas cru, là. Mais c'était vrai. Il travaille avec des Inuits. Puis les Inuits, là, c'est les plus connectés spirituellement, eux autres. Puis quand ça sent, il y a une odeur de pied, là, quand quelqu'un pue des pieds, là, tu sais, l'odeur de ça, là. Ouais, l'odeur de quelqu'un qui pue des pieds, OK, c'est quoi ça? C'est pour les Inuits? Un fantôme pas loin. Parce que, okay. Eux autres, ils étaient dans la salle de télé, mon frère, puis deux autres Inuits. Je vous dirais que mon fils de 14 ans, il attire des fantômes. Ah, ben là, moi, je vous attire certains parce que je pue des pieds en Christ. Okay, mais écoute, je vous finis par raconter ma dernière histoire. OK. Ils étaient dans la salle de télé, et maintenant, il y a eu une odeur de pieds, ils se sont regardés. Il a écouté la télé. La porte, elle a ouvert, elle a fermé. Puis là, ils se sont regardés. Mon frère est resté là parce que lui, il connectait ça, il n'a pas peur. Les deux autres Inuits, ils ont flyé, ils ont dit « Oh, oh, wow! » Les autres, ils ont bien peur de ça. Ils ont peur des... OK, mais est-ce qu'ils vous ont transmis leurs connaissances sur les esprits? Je sais. Moi, là, j'aime pas ça, les fantômes, les affaires comme ça. Ma blonde, elle a déjà vu un quand t'étais enfant. Puis, moi, je crois à ça. Puis, c'est ça. Mais c'est quand qui, c'est qui les fantômes? Corps, quand vous allez mourir, allez-vous devenir un fantôme? Non. C'est notre énergie s'en va. Notre énergie, nous autres, on est composé d'énergie qui vit dans un corps. Notre énergie s'en va, ça se mêle avec d'autres énergies, puis après ça, elle revient. Puis là, mais c'est ça, c'est qui? Les fantômes, selon vous, là? Selon votre compréhension. C'est l'énergie qui ne part pas. L'énergie qui reste là, OK. On pourrait la récupérer. Là, on en a besoin d'énergie. Là. L'énergie qui ne veut pas partir. Il y en a des malins, il y en a des fins. Il y en a qui protègent, il y en a qui font du mal. Ben, je vous souhaite en tout cas de ne pas être de cette énergie-là puis être de la bonne énergie, mon cher Stéphane. Passez une bonne nuit. Merci, Philippe. Au revoir. Il est 1h10. De quoi avez-vous peur cette nuit à la nuit en direct? Deux lignes disponibles. Voici les numéros pour me joindre. La nuit, en direct. En direct. Pour parler en direct avec Louis-Philippe Guy de Montréal. 514-790-0224. Partout au Québec, sans frais. 1-800-667-5241. La nuit, en direct. En direct. Ici Geoffrey Soubrani. Et Mélanie Bergeron. Plus on en sait sur l'immobilier, mieux on peut gérer toutes les situations qui s'y rattachent. On vous invite donc à écouter Les Dessous de l'immobilier le samedi 11h. Au 98.5, Montréal. L'inimitable. Pendant que vous fêtez les 2 ans de Charlotte avec toute votre famille, l'AMF veille. Pendant que vous pédalez comme un forcené sur votre vélo stationnaire pour retrouver votre forme d'antan, l'AMF veille. Pendant que vous regardez en rafale votre série préférée, l'AMF veille sur vos dépôts en les protégeant au cas où une institution financière provinciale ferait faillite. Continuez de profiter de la vie. L'AMF veille. Pour en savoir plus, consultez l'autorite.qc.ca. Un message de l'Autorité des marchés financiers. Ici Danny Duvé et Martin McGuire. Notre référence pour une cuisine d'inspiration italienne, c'est Gâteau Mato. Destination par excellence pour célébrer, Gâteau Mato propose l'une des meilleures sélections de vins ainsi qu'une cuisine italienne jeune et trendy. Pour partager un excellent repas dans une ambiance élégante et harmonieuse ou simplement pour prendre un verre et une bouchée, notre place, c'est Gâteau Mato. 2 adresses, Laval et Boisbriand. Rendez-vous au 985FM.ca section concours et vous pourriez gagner une soirée exceptionnelle pour 10 personnes chez Gâteau Mato. Puis, ta nuit? Ah, comme on dit, je suis tombée dans les bras de Morphée. D'ailleurs, ça te dérange pas si déjeune avec nous autres? Vous souffrez de réveil nocturne et d'un sommeil agité? Dites bonjour aux nuits paisibles sans réveil nocturne avec le nouveau supplément naturel Nuit sans réveil d'Adrien Gagnon. Disponible en formule avec ou sans mélatonine, il vous aide à rester endormi toute la nuit. Faites confiance à votre expert sommeil et stress, Adrien Gagnon. Présentement en rabais chez Jean Coutu. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Les centres communautaires et terrains de jeu, qui c'est qui s'en occupe? Ta municipalité. L'aménagement urbain, la collecte des ordures, les activités culturelles? Ben oui, ta municipalité. Et puis poser tes pneus d'hiver, faire ton changement d'huile, puis s'assurer que t'as assez de lave-glace dans l'affaire à lave-glace? Non, ils font pas ça. Les municipalités s'occupent d'une foule de services qui vous touchent directement. Mais votre changement d'huile, on laisse ça à votre garagiste. Un message de l'Union des municipalités du Québec avec le soutien du gouvernement du Québec. Laissez Germain Larivière vous enchanter. En ce moment, obtenez jusqu'à 30% de rabais sur les sofas inclinables sélectionnés. Enchanté. Germain Larivière. Les Américains choisissent leur prochain président. Nous sommes sur le terrain, au cœur des États-clés. Je me trouve dans le sud-ouest des États-Unis. Je parcours l'est du territoire. Nous sommes vos yeux et vos oreilles chez nos voisins américains. Mardi 5 novembre, 22h, au 98.5. Au réseau Cogeco Média, vous écoutez La Nuit, en direct, en direct. Partout au Québec. De retour à Louis-Philippe Guy. 1h14 minutes à la nuit en direct. On va aller dire bonjour à Sandra de Chicoutimi. Salut Sandra. Salut. Attends un instant, deux secondes. Pas de problème. Je vais t'arranger ça. On va arranger le son, hein. On va bien vous entendre. Oui, oui. Est-ce que c'est un... ça va bien pour toi? Oui, ça va bien. Ça va bien, Sandra. Donc, vous voulez nous parler d'une phobie ou d'une peur que vous avez eue? C'était plus une phobie. OK. Puis, une peur qui est constamment dans ma vie, finalement. Ah oui? Ça concerne un sujet qui a été survolé par quelques personnes qui ont téléphoné avant moi. Dans le sens que, j'ai commencé à faire du somnambulisme quand j'ai arrêté de... J'ai adhéré à la sobriété, je me suis devenue sobre, je m'ai commencé à me lever somnambule pour manger du sucré. Vous rendez pas compte de ça, mais vous ramassez, comme dans l'annonce, un gâteau Deep and Delicious, là. Non, j'étais convaincue que c'était la personne avec qui j'étais à l'époque, que c'était une relation dysfonctionnelle, que c'était cette personne-là, parce que j'étais complètement là, chavirée sur le ménage, puis une perfectionniste. Puis j'étais convaincue que cette personne-là se levait la nuit pour me faire des graines, puis jusqu'au temps que ma fille dise « Maman, c'est toi qui se lèves la nuit. » Ah, c'est ça, on veut que personne se lève la nuit pour nous faire des graines, là. Non, c'est ça, là. Puis manger du sucré, puis tu vas se ramasser. Mais là, ça avait changé avec les années. Puis jusqu'à les 3 ou 4 dernières années qui viennent de s'écouler, maintenant, j'ai peur parce que mon somnambulisme a changé. Je me lève la nuit, je ne mange plus, mais j'ai peur de sortir de chez moi. Ça fait qu'à tous les soirs, avant de me coucher, je mets des meubles en avant de mes portes. Ah oui? Oui. Fait que là, si le feu pogne, par exemple, là, les meubles devant la porte, c'est un peu dangereux. Non, je vais te dire une chose. Là, de toute façon, il y a de quoi se réveiller. Là, seulement que la sonnette en bas, là, pour... si quelqu'un veut venir faire un tour chez moi ou quoi que ce soit, juste la sonnette en bas, là, il y a de quoi pour arrêter le cœur, tu sais, là. Fait que... Non, puis en même temps, ça m'est arrivé. Puis qu'est-ce qui m'amène aussi à ça? C'est aussi, à un moment donné, j'ai voulu me lever un matin. Je me suis assise au 90 dans mon lit. Puis j'ai commencé à parler d'une autre langue avec pas mon teint de voix à moi, là. C'était complètement guttural, là. Ça venait de la gorge ou je sais pas de où, là. Je te le raconte, là. Je suis à la pointe des pieds dans mon salon, puis la chair de poule. Mais là, ça Sandra, oui. Vous avez parlé de sobriété tout à l'heure. Je ne sais pas à quel point vous avez consommé. Non, tout ça, c'est à jeun, là. Mais là, je comprends, mais pensez-vous que vous avez des séquelles dans votre cerveau de la consommation que vous avez eue? Non. La seule séquelle que j'ai, là, c'est d'être venue au monde dans une famille où les deux côtés, maternel et paternel, ont des problèmes psychiatriques, là. OK. Donc, il y a de l'hérédité comme ça, là, dans ce cas. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'hérédité, je te dirais, okay. Là, parce okay. que moi, je fais le tarot, je fais toutes ces choses-là. Je suis capable de faire aussi, de la purification. Ça va quand même de soi, mais ça n'a rien à voir avec. Avec la psychiatrie ou quoi que ce soit. Okay. J'ai l'honnêteté de te répondre à la question qui se pose, que tu m'as posée. Mais sinon, c'est d'emblée, c'est pas de quoi que je mentionnerais. Tout d'abord, parce que les gens, tout de suite, vont discréditer la validité de ce que je viens de te raconter. Mais vous posez une question, ce n'est pas vous juger. Il ne faut pas vous sentir jugé, Sandra. Mais vous comprenez pourquoi je vous la pose. Plutôt jugé. Okay. Non, LP, c'est pas, je ne me sens pas en aucun cas jugé. Okay. Je sais ce que je vaux. Puis, il n'y a pas personne qui a assez d'argent pour ça. Là, c'est un petit des blagues que je fais. Mais sérieusement, non, c'est pas la question de ça. Je te fais juste expliquer que la raison pourquoi je t'ai appelé, ma phobie, dans le fond. Ouais. C'est de vous lever puis de manger un popsicle, là. Ah non, ça, là, je vais te dire une chose, là. Ouais, je suis un popsicle chaud, LP. Chaud? OK, mais vous ne voulez pas sortir dehors. C'est exemple, là, je sais que vous êtes du Saguenay, là, l'hiver fait froid. Si dans le somnambulisme, vous vous retrouvez dehors, c'est dangereux, là. Ben oui, ben c'est certain. J'ai déjà manqué mourir gelé comme ça. Fait que, mais je veux dire, à cette époque-là, c'était arrivé une fois sur 20 ans, là. J'ai fait ça quand j'étais jeune. Hein? Moi, je faisais des terrains nocturnes. Je me levais la nuit, j'étais en crise. Puis, ça m'est arrivé de sortir à l'extérieur. Puis, on avait les. Mes parents se sont rendus compte de ça, là. Je me souviens, là. Puis, en tout cas, je ne sais pas si c'est parce que je suis sorti ou qu'il y avait peur que je sorte. Mais je sais qu'à l'époque aussi, on avait une poignée, là, qui barrait de. Tu sais, on pouvait ouvrir la porte, sortir, mais on ne pouvait pas rentrer. Ça barrait de l'intérieur automatiquement, là. Fait que, oui. C'est ça. C'est dangereux, là, de se ramasser dehors à moins 30. Y a-tu un de tes enfants, toi, qui fais ça comme non. Toi quand t'as fait tes études? Non, c'est pas, ça s'est pas transmis. J'ai eu ça quand j'étais jeune, des terrains nocturnes. Il y a déjà mon beau-fils, mon ex-beau-fils, parce que j'ai eu une blonde qui avait un enfant qui en faisait. Puis c'est assez déstabilisant parce que l'enfant, il fait une crise, mais il n'est pas conscient de ça, là. Il est pas, il nous manipule pas, puis il est disjoncté totalement, là. Puis il est absent, hein, souvent. Si tu regardes les yeux, là. Ouais. Moi, mon jeune frère, plus jeune que moi, parce que moi, c'est moi l'aîné dans la famille chez moi, là, ça lui est arrivé souvent, tu sais. C'est sûr qu'au début, des fois, c'est drôle, c'est même pas des terreurs, là, tu sais, là, il va pisser après mon lit, il va faire pipi dans la poubelle ou quoi que ce soit. Mais en vieillissant, il y a d'autres choses qui, tu sais, puis je te dirais qu'il y a un poste très, très, très haut placé, puis son garçon à lui, ça y arrive aussi à l'occasion, là. On sait pas tout ce qui peut arriver quand notre inconscient, quand notre subconscient se met en dormance, puis que c'est l'inconscient qui prend le dessus, puis surtout si on est vu dans un moment vulnérable, on est extrêmement fatigué. Là, on est comme une proie facile là, à tout ce qui peut avoir besoin de notre corps éthérique ou je sais que tu es un petit peu ambivalent par rapport à tout ce que je te raconte là. Ben, je suis ouvert à vos histoires cette nuit, je suis pas en mode jugement, ça ne drop. Ce qui ne veut pas dire nécessairement que je crois quoi que ce soit, mais je vous reçois, mais c'est là je comprends que vous êtes libéré des graines là. Des graines, là tu parles-tu des popsicles que je te disais tantôt de tes, Non, ça c'est vos allusions. Non, je parle, vous me disiez. On dirait que t'es en face de moi avec la télé. Je t'ai chromecasté là sur la télé avec ta capine, là. On dirait la Voldemort. Non, mais c'est que vous avez dit tantôt que vous vous leviez puis vous voyez les miettes des choses que vous mangiez, puis vous pensiez que c'était votre chum. Il y avait des graines de ça. Là. Ah, mais ça, il n'y en a plus, là. Non, il n'y a plus de ça. Non, il n'y a plus de ça, puis ça je sais même pas comment appeler ça, je te dirais, ça même pas... Avez-vous consulté pour ça, pour le somnambulisme? Ah ben oui, bien sûr que j'ai consulté longtemps, tu sais que je voulais dire, ouais, c'est ça, puis de toute façon, puis moi j'ai un sommeil, je veux dire, je suis insomniaque par rapport au fait que je suis bipolaire type 2, fait que quand je suis en hypomanie, d'un moment extrêmement excité cérébralement, d'autant plus que je fais de l'hyperthyroïdie à cause de ma glande thyroïde qui est défectueuse, j'ai de la médication pour ça. Mais mon médecin, il est au courant aussi que dans différentes situations, je prends pas la médication qui est supposée. Puis ça, c'est pour même pas nécessairement me protéger moi, LP. C'est pour pas être à la hauteur pour m'occuper des animaux que je leur ai donné une deuxième chance. Puis pour les autres aussi, parce que moi, je suis absente, là. Fait que je fais de l'hypnose. L'hypnose avec pour mon inconscient. pendant que je dors. Je me décolle mon hypnose ou de la méditation guidée spéciale pour tout ça. Là. Avez-vous déjà vu Mesmer en spectacle? Eh non, ben, mais de toute façon... Est-ce que vous êtes réceptive à l'hypnose? Non. Je ne suis pas réceptive à l'hypnose, mais je suis réceptive aux mégahertz de la musique. Les mégahertz? Oui, les mégahertz. C'est ça, les mégahertz. Peut-être que je m'exprime mal. Les mégahertz, c'est comme ça que la radio diffuse, hein, par les ondes, c'est en mégahertz. C'est la radio FM, vous êtes une radio FM, parce que le AM, on est dans les hertz, on n'est pas dans les mégahertz. OK, ben les deux, ben, mais je te dirais que les deux, parce que j'ai un livre avec ça, ici aussi, là. Puis plus je mets les fréquences, c'est ça, les fréquences? Là, j'ai la bouche sèche, là. M'asseoir, premièrement. Ça dépend de mes besoins. Parce que j'ai des flyers rouges avant que ça arrive, ces choses-là aussi. Là. Les ondes alpha, on me propose ici, là? Il y a une sorte de médecine aussi, parce que moi, je déteste la médecine traditionnelle. Là. Okay. Là, je préfère tout ce qui est médecine douce, l'herboristerie, la naturopathie, puis travailler avec l'énergie. Je pense que c'est le Theta Healing, si je me trompe pas, là. Tu travailles avec ça, puis c'est scandinave, justement. Okay. Je crois aussi. Okay. Demandant Lucille, là, tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Parce que je suis un peu perdu dans le brouillard, là. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Ah, t'es-tu sérieux? Tu trouves que c'est le brouillard? La pause dans 50 secondes, j'ai le temps d'y poser la capsule. Qu'est-ce que je lui demande? C'est quoi les ondes? Quelle médecine utilise des ultrasons ou des mégahertz? Demande ça. Parfait. Alors, quelle médecine utilise les ultrasons et des mégahertz? Les échographies utilisent des ultrasons, souvent mesurés en mégahertz. C'est une technique couramment employée en médecine par les radiologues pour visualiser l'intérieur du corps. Fait que finalement, ce que vous pensez, c'est des échographies. Fait que vous me direz après la pause, c'est un garçon ou une fille. Merci de votre appel, Sandra. Ouais, salut. Salut, passe. Je te le décris. Salut. Passez une bonne nuit. Je reste dans votre télé sur Chromecast. Gardez l'écoute. Je vous retrouve au retour de la pause. La nuit. En direct, en direct. Pour parler en direct avec Louis-Philippe Guy de Montréal. 514-790-0224. Partout au Québec, sans frais. 1-800-667-5241. La nuit, en direct, en direct. Toujours là où on ne l'attend pas, Marie-Ève Tremblay a un sens aiguisé de l'écoute. Hey, mais le bœuf, c'est rendu une viande de luxe quand même. De plus en plus, le bœuf, c'est plus une commodité courante, mais un aliment de luxe. C'est confrontant, mais c'est ça. Puis là, on le vit pleinement. Tout devient cher. On a de la difficulté à se l'expliquer. Puis on est frustré. On est frustré comme consommateur. On est fâché que cet acquis-là s'en aille. Marie-Ève Tremblay anime Radio Texto en semaine de 10h à midi au 98.5. C'est pas sorcier faire ses opérations de la SAQ en ligne sur sa clique. Pour remplacer un permis perdu, vous avez même pas besoin de dire « Remplation! Permis tous! » Ben non. Et pour remiser un véhicule, vous avez encore moins besoin de dire « Rémission! Véhiculo! » Non, c'est pas sorcier. Juste besoin de quelques clics sur sa clique. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Si ton boss t'hérite, prends la porte. Si ta gorge t'hérite, prends Valda. Pour soulager l'irritation de la gorge, dépassez Valda. Aussi simple que ça. Si le prix de l'essence t'hérite, prends tes jambes. Si ta gorge t'hérite, prends Valda. Pour soulager l'irritation de la gorge, dépassez Valda. Aussi simple que ça. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Pastilles Valda en promotion cette semaine à 7,97 $ chez Axe Pharma. Tous les détails dans votre circulaire Axe Pharma. Les temps changent. La consigne change. Un nouveau réseau de lieux de retour pour les contenants de boissons consignés prend forme partout au Québec. Quelque chose dans l'air du temps, comme un goût de changement. Découvrez ce nouveau réseau à consigneaction.ca. Quelque chose comme un goût de changement. La consigne, c'est l'avenir. assister à la fusion ultime de l'espionnage et de la maîtrise orchestrale avec bande symphonique. Interprété par Véronique Dicker et Benoît McGuinness. Revivez les plus grandes chansons des films James Bond. Une expérience captivante portée par l'Orchestre Philharmonique sous la direction de Francis Choignard. Cogeco Média, fier partenaire de bande symphonique, présenté du 5 au 7 décembre à la Place des Arts. Billets sur placedesarts.com. Tout suivre en direct. Pour ne rien manquer lors de vos déplacements, téléchargez l'application Cogeco Média. Cogeco Média. 98.5. Partout au Québec, jusqu'à 3 heures du matin, vous écoutez La Nuit en direct. En direct. De retour à Louis-Philippe Guy, au réseau Cogeco Média. Et maintenant, à 1h29, on va parler avec la Joanne. Comment ça va, la Joanne? Ça va quand même bien aujourd'hui, là. Vous, ça va bien? Oui, ça va bien aussi, déguisé pour l'Halloween. On a bien du plaisir, ma chère Joanne. Vous, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? C'était très difficile de revenir de reconduire mon auto, parce que j'ai eu un gros accident en 89. En 89? Ah oui, et puis ça a été dur après. Ça a pris... On dit souvent qu'il faut revenir vite au volant, sinon on reste pogné longtemps avec nos peurs. C'est compliqué. C'est plus compliqué que ça, je vous dirais. C'est au niveau physique, au niveau psychologique, ça a été compliqué. Mais l'accident d'auto en soi, c'est que j'avais une Camaro 80, puis ceux qui connaissent les véhicules savent très bien que c'est une auto qui était lourde, pesante. Les portes étaient larges. Puis je me suis fait frapper sur un quatre coins. J'entends ma voix, ça se peut-tu? Je vois. Je vais peser sur un bouton, là. Peut-être que là, vous n'entendrez plus votre voix. Moi, j'entends votre voix, en tout cas. OK, c'est beau. Puis finalement, j'ai jamais vu le véhicule qui m'a frappé. Il m'a frappé à droite. Tout ce que j'ai senti, c'est que mon auto est tombée trois fois sur les pneus. Puis là, j'ai vu l'autre véhicule, mais j'étais sortie de mon corps. J'ai vu d'en haut le véhicule. C'était une Chevy van, puis je l'ai vu d'en haut. Puis je suis revenue rapidement dans mon corps. Ça, c'est une question de fraction de seconde. Est-ce que la repénétration dans votre corps a fait mal pour vous? Parce que tantôt, quelqu'un nous a dit que c'est douloureux, non? Je pense que c'est pas pour tout le monde, j'imagine. Mais vous êtes peut-être rentré par la tête, lui, quand il est revenu, là. Vous, mais c'est... Faut dire que lui, c'est par rapport à quoi? Lui, c'est en pleine nuit, là. Il a dû avoir un malaise, quelque chose. Okay, rentré dedans, fait que je suis rentré et sorti rapidement. Et les forces G. C'est rapide un accident d'auto, hein. C'est rapide. On parle de secondes. Fait que finalement, ma porte, une chance, j'étais attachée parce qu'on serait pas en train de se parler, c'est évident. Ma porte, elle a ouvert sur mon côté à gauche. Okay. Puis mon dash était coupé en deux, monté, mon rétroviseur. Puis j'avais une fixation. J'étais dans un quartier résidentiel qui avait des blocs puis des maisons. Fait que il y avait eu neuf autos de police, mon accident d'auto. Puis pendant que les policiers arrivent, je regardais mon dash. J'avais une fixation sur mon dash. Puis je me disais, moi, je sais pas comment ils vont faire pour le réparer. Tu sais, mais c'est une perte totale. Le char est écrasé, puis il me semble que le rétroviseur n'est pas pire. Mais c'est quand même une grosse auto, hein. C'est une auto solide, là, la Camaro 80. Après ça, ils ont fait moins solide à partir de 82 au niveau du châssis. Mais quand même, puis là, il y avait tout le temps un policier avec une lampe sur le côté droit qui venait voir sur le côté droit. Mais moi, je peux pas voir le côté droit de l'extérieur. J'étais assise, puis je peux pas bouger, tu sais. Et finalement, le policier arrive, lui, il était plus nerveux que moi, finalement. Moi, je disais, je suis correct, parce que finalement, j'avais bougé toutes mes membres, je suis correct, ça me brûlait un peu ses mains dans le visage, parce que, à cause de la poussière de vitre. Puis là, je disais, à un moment donné, je disais, écoute, comment ça, il y a tant de police que ça? Mais moi, je savais pas qu'il y avait 9 photos de police, on me l'a dit le lendemain, mais je savais qu'il y avait tout le temps une face de police différente, à droite, avec une flashlight qui venait m'éclairer. Mais ça, c'est parce qu'on c'est un changement de. On est au changement d'heure, là. Tu sais, quand il y a un chiffre. Il y avait un changement de chiffre, fait que c'est pour ça qu'il s'est fait sur votre site d'accident, changement de chiffre? Ben, c'est parce qu'il y en a qui finissent, il y en a qui rentrent. Puis moi, le policier, quand il était à côté de moi, il y avait son truc qui était ouvert, puis il disait, écoutez, j'étais dans une place où il y a beaucoup de triplex. Fait que là, il recevait tout le temps l'appel, rendez-vous sur le gros accident d'auto. Puis moi, je l'entendais. Fait que c'est ça pour ça. À un moment donné, il y avait bien des policiers. C'est quand même un accident mémorable pour eux autres, j'imagine. Mais on recule, c'est en 89. Mais pour revenir à ce que les gens racontent aussi, quand on sort de notre corps comme ça, il y a un livre qui a été écrit par la madame, elle s'appelle Atwater. En anglais, le titre, c'est Near Death Experiences. Expérience de mort imminente en français. Oui, et ça, c'est très, très intéressant. Par madame Allo. Pardon? Par madame. Non, continuez. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Ben, elle parle énormément. Elle a fait beaucoup de recherches, sur toutes sortes de recherches sur les gens qui ont des expériences de cette nature-là. Mais dans mon cas particulièrement, c'est que je m'étais vue à l'urgence 3 mois avant. Puis j'avais rêvé que mon amie de fille, qui était une police aussi, fait qu'elle avait tiré des rideaux. Puis elle m'avait dit, les toilettes sont là. OK, fait que ça. Mais moi, je m'en souviens plus. Et là, quand les policiers me demandent à qui téléphoner, ben j'ai dit téléphoner à mon copain. Je donne le numéro de téléphone. Mais je sais pas pourquoi les policiers sont revenus à l'ambulance. Puis là, ils ont vérifié si le numéro de téléphone était correct. Puis ils m'ont demandé c'est quoi le numéro de téléphone au nom de la personne. Puis là, je sais pas pourquoi. Je dis oh non, lui, c'est un immigré qui parle très mal anglais, ça va être compliqué. Appelez plutôt mon ami de fille qui est policière, ça va être moins compliqué. Fait que finalement, c'est elle qui s'est retrouvée à l'hôpital avec moi. Puis là, elle a été chercher ma mère, mais en tout cas, bref, faire une histoire plus courte, là. Elle arrive avec ma mère à l'hôpital, puis moi, ben, j'attends parce que il y a 3 infirmiers qui viennent me voir. Moi, parce que t'es sur l'adrénaline. Là. Quand t'es sur l'adrénaline, t'as pas vraiment de douleur. C'est ça. Puis à l'époque, il n'y avait pas des chambres individuelles, donc vous étiez avec André puis Aline. Là. Ben, je sais pas trop. Là. Non, pas vraiment. J'étais à Pierre Boucher. OK. C'était pas si pire, non, mais par contre, j'avais probablement pas mal plus de... J'avais beaucoup de vite. Mais moi, je le savais, là, je le sentais dans ma tête aussi. Mais à un moment donné, il y a des gens qui sont venus... De toute façon, il y avait 3 arrêts respiratoires qui m'ont dit, pouvez-vous attendre? Je dis, oui. J'ai dit, bon, j'ai une blessure à ma jambe, mais ça fait pas mal parce que c'est l'équivalent d'une 3e brûlure. Puis c'est une 3e brûlure, ça n'envoie pas le message au cerveau. Mais c'est juste c'est dégueulasse un peu, mais c'était pas, je n'avais pas une fracture, rien. Puis à un moment donné, les gens de la salle qui avaient d'attente, ils sont venus me mener une débarbouillette. Pas une débarbouillette, une serviette. J'ai jamais compris pourquoi. Je l'ai pris. J'ai attendu. Puis quand mon ami de fille est arrivé avec ma mère, on commençait à jaser. Mais là, moi, j'attends. Puis là, à un moment donné, j'ai envie de faire pipi. Puis là, je peux pas me lever, moi, parce que ça, tu sais, quand j'avais des petites bottes avec un zipper sur le côté. J'espère que c'était pas pour ça, la débarbouillette, là? Non. Non. Mais c'est parce que moi, là, je peux pas marcher. Je suis pleine de vide. Ben c'est ça, vous êtes accidenté, là. Je veux dire, quand ça prend une espèce de petite bassine, là. Fait que là, finalement, je dis à ma copine, je dis, écoute, je vais aller chercher. Ça faisait 1 heure qu'on attendait. Je dis, moi, il faut que j'aille faire pipi. Puis, je suis pas capable de me lever. Bon. Fait que donc, ils m'ont amené en arrière. Et voilà, les rideaux étaient là, puis la toilette était à côté, pareil comme dans mon rêve. Puis vous l'aviez rêvé, ça? Oui, 3 mois avant. Puis elle, 3 mois avant? Fille, attends, pardon, c'est une nouvelle information. Là. Puis là, et mon amie de fille était policière. Fait que là, moi, je m'en souvenais pas. Fait que là, elle dit, je veux pas nommer mon nom de famille. Fait qu'elle me nomme par mon nom de famille. Madame Lajoanne. On dit Madame Lajoanne. Avec le ton, elle dit, toi, tes maudits rêves. C'est quel rêve? Ben, tu me l'as dit, il y a 3 mois, tu étais à l'urgence. Avec... Ah, ben oui. Mais moi, je sais pas. Je me souviens là, de quoi j'ai rêvé. Vous aviez une complice dans le rêve. Là. Elle savait que vous aviez rêvé, puis elle avait une bonne mémoire pour se souvenir de vos rêves à vous. Ouais, là. Mais là, il y avait quelque chose en dessous de ça. Là, oh. Là je dis, comment ça se fait tu te souviens de ça? Parce que, ben, faut dire que ça arrivait souvent dans mon cas. Là. Je dis, pourquoi, comment ça tu te souviens de ça, tu sais, toi, tu sais, fait que, ben, c'est parce que moi, je suis pas capable de rentrer dans un hôpital, je déteste rentrer dans un hôpital. Puis là, je la regarde, je dis, ben voyons, t'es une police, là, tu vas souvent dans les hôpitaux. Ben, elle dit, ben oui, des fois, on est obligé, on n'a pas le choix, mais comment tu fais? Ah, oh, elle dit, j'y vais de reculons. J'aime vraiment pas ça. J'aime pas rentrer dans un hôpital. C'est pour ça qu'elle s'en souvenait. Donc, ben c'est ça. Fait que finalement, c'était après ça, ça a changé le cours de ma vie. C'est pour ça que je suis devenue coursier immobilier, parce que moi, je peux pas être employable de 9 à 5, assis ou debout. OK, donc ça prend un job là que vous êtes en mouvement, là. C'est ça. Exact. Ça a été, on parlera pas de ça, c'était pas le sujet. Puis un autre par rapport aux peurs d'araignées, là. Ah, vous avez peur? Vous êtes arachnophobe aussi? Ben, j'aime pas ça, mais avec le temps, j'ai évolué. j'ai évolué, puis j'ai maintenant, je prends un petit bâton j'ai un bâton d'à peu près 3-4 pieds d'eau, là, mince. C'est un très bon truc, ça, pour enlever les toiles. Non, puis... Oui, non, pas vraiment. Non? Il y a quelque chose d'autre. C'est que je mets un... Comment t'appelles ça? Un collant, comme on m'a dit ça. Quand tu veux coller quelque chose avec un diachylon, quelque chose, là, qui... Je le tourne sur lui-même, puis je le mets au bout de mon bâton. Parce qu'une araignée, souvent, les petits, surtout ceux qui sont moins gros, ils se rapetissent quand ils sentent que tu arrives proche. Puis là, ben je les squeeze avec ça. Fait qu'ils collent sur le chose, je les manque pas. Ils collent sur le collant que j'ai roulé sur lui-même ou que j'ai mis sur mon bout de bâton. C'est ingénieux, ça. Alors ça vous aide à... Ben, ça gère maintenant. Ben, ça oui. Gère mieux, puis j'ai pas la peur. Mais ce qui est intéressant, il faut que je le retrouve. Quand j'étais dans la vingtaine ou trentaine, on achetait, je sais pas, vous êtes plus jeune que moi, évidemment, c'était l'almanach du peuple. Ben ça, j'ai connu ça, l'almanach du peuple. Là. Ah là? Oui? Ben oui, la météo en avance. Ben c'est pratique avoir la météo en avance, là, un an avant. OK, les agriculteurs, puis il y avait toutes sortes de sujets insolites ou les acteurs qui mouraient une année. C'était intéressant. Il y avait les résultats sportifs, comme ça, si on avait retourné dans le passé, on pouvait faire des paris puis devenir très riche. Ah, ben moi, je suis pas sportive, moi, là. Faut me perdre, là. Mais là, savez-vous quoi? Le problème dans tout ça, c'est que c'était notre pire ennemi qui finissait par nous le voler, puis pogner notre DeLorean, retourner dans le passé, puis devenir riche, puis après ça, il épousait notre mère. C'était un chiard, là. En tout cas, je vous suis pas, là. C'est pas grave. Regarde, mais là, ce qui est intéressant, c'est que la peur des araignées, c'est la deuxième peur la plus importante dans le monde entier après la peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur. Oui, c'est la première. Et ça, je l'ai quelque part dans l'almanach. Je l'ai gardé, l'almanach. Faudrait que je le retrouve. Et ça m'a toujours frappé parce que c'est rare, les gens qui n'ont pas peur des araignées. C'est vrai. C'est pas tout le monde qui trippe sur les araignées, effectivement. Non. Ben non, pas vraiment. Puis à un moment donné, il contient quelque chose d'inhabituel aussi. Bon, je gagne un voyage à Hawaï, puis j'emmène ma cousine qui est plus jeune. Puis on se retrouve sur l'île d'Hawaï, la grosse île, puis... Eux autres, ben, ils n'ont pas des portes complètement... Il y a des espaces en dessous des portes. Ils n'ont pas d'hiver, eux autres. Fait que c'est pas... Les bébites passent. Fait qu'à un moment donné, on se retrouve au rez-de-chaussée dans un motel. Puis là, il y a une bébite qui est noire puis qui est dans le bain. Nom de Zeus. Bien. Ah, puis là, ma cousine, c'était... Elle gérait ça. Puis là, ben moi, quand je disais « Manon! » Fait qu'il la comprenait que c'était ça. Comme la madame tantôt a dit par le cri, elle la reconnaissait en nom. Oui, c'est ça. Elle avait un cri particulier pour les araignées. Puis son mari reconnaissait ce cri particulier là, pour cette situation-là. Exactement. Ma cousine Manon aussi le reconnaissait. Fait qu'elle dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens voir dans la salle de bain. La bébite est noire. Je sais pas quel genre de bébite que c'est. Elle est dans le bain. Puis qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Fait que donc, elle rentre dans la salle de bain, puis là, elle se regarde dans le miroir, ma cousine, puis elle enlève ses boucles d'oreilles, tu sais. Puis moi, je suis dans le cadre de porte, la peureuse, je suis là. Puis là, j'attends, puis je dis, ben, puis là, je voulais pas que la bébite se sauve non plus. Fait que je dis à Manon, tu sais. Je dis, bon, ben, Manon, qu'est-ce que tu fais, non? Tu es en train de faire un striptease pour la bébite, tu sais, parce que moi, je paniquais un peu. Joanne, ça va être ça, le punch. Merci beaucoup d'avoir appelé, il faut que je fasse la pause. Non, mais et à la prochaine. Non, il y avait un punch, mais là, la pause, j'ai pas de contrôle. Ouais, il est parti, le monsieur. Pour parler en direct avec Louis-Philippe Guy de Montréal. 514-790-0224. Partout au Québec, sans frais. 1-800-667-5241. La nuit, en direct, en direct. Les gens me disent souvent de toi, c'est un communiste. Ben oui, je sais bien. Moi, j'arrête pas de dire, t'es pas un communiste, t'es un conservateur qui s'ignore. Ben oui, moi, je suis à droite dans son bien des sujets. La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. En semaine, dès midi. Au 98.5 Montréal. Vous déneigez votre cour à la pelle. Vous faites un seul voyage de sac d'épicerie, même quand vous achetez deux melons d'eau. Vous êtes fait fort. Mais les virus aussi. Faites-vous vacciner gratuitement contre la grippe et la COVID-19. Si vous vivez avec le diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie du cœur, des poumons ou des reins, si vous êtes enceinte ou si vous avez 60 ans ou plus, vous êtes plus à risque de complications. Informez-vous et prenez rendez-vous au québec.ca/campagne-vaccination. La vaccination, c'est la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec. Vos articulations vous font souffrir? Nem antidouleur d'Adrien Gagnon est un supplément naturel formulé à base de membrane de coquille d'œuf qui soulage rapidement vos douleurs articulaires. Sa formule cliniquement prouvée vous assure des résultats dès le premier jour d'utilisation pour apaiser les douleurs causées par de l'exercice. Source naturelle de collagène, il soulage également les raideurs associées à l'arthrose et améliore l'amplitude des mouvements. Adrien Gagnon, votre référence en innovation depuis 1946. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Alors que le gouvernement sabre dans la francisation offerte dans les centres d'éducation des adultes, des profs, partout au Québec, perdent leur emploi et des personnes immigrantes n'ont plus accès à des cours de français. Cette décision est irresponsable et incohérente, surtout de la part d'un gouvernement qui prétend valoriser la profession enseignante et placer en priorité l'apprentissage du français. Monsieur Legault, les beaux discours ne suffisent pas. Un message de la Fédération des syndicats de l'enseignement et de la CSQ. Rénovez votre cuisine avec Armoire à super prix. Un manufacturier bien d'ici. Le choix est immense. Les conseils précieux et le service attentionné. Armoire à super prix, c'est la solution rénovation. Votre cuisine sera fabriquée selon vos goûts et bien sûr votre budget. Passez à notre salle de montre, rue Chapleau à Montréal. Stationnement sur place. 514-522-5562. À superprix.com. Ici Martin et Dani. Que diriez-vous de gagner une soirée exceptionnelle pour 10 personnes au restaurant italien Gâteau Mato? C'est simple, il suffit de vous inscrire au 985fm.ca, section concours. Pour éviter les bouchons de circulation ou les mauvaises surprises, écoutez Radio Circulation et apprenez sur le champ quelles sont les artères et les routes à éviter. Parce que votre temps est précieux. Radio Circulation 730. Au Cogeco Média. Vous écoutez La Nuit en direct, partout au Québec. De retour à Louis-Philippe Guy. Il est 1h45 minutes à La Nuit en direct. On parle de nos peurs, nos phobies, un moment traumatisant dans notre vie et on continue avec François. Comment allez-vous, François? Ça va bien, Louis-Philippe. De quoi avez-vous peur, François? Ben c'est pas que j'ai vraiment peur, c'est que la peur, c'est surtout c'est parce qu'il nous manque des informations quand on assiste à des événements de ce genre-là. Disons, dans mon cas, c'est quand ma mère est morte, il y a une de ses amies qu'elle voyait souvent, qu'elle a vu s'élever de terre. Moi, j'étais à peine dormi quand c'est arrivé, mais après, la dame a donné son témoignage, puis elle a vu ma mère très brillante, souriante, puis elle a vu s'élever au-delà de notre terre. C'était tellement fort qu'elle a dit « déneige ». Parce que ma mère s'appelait Marie Déneige. OK, c'est pas parce qu'il avait neigé, là. Va déneiger. Non. Okay. C'est le nom de ma mère. C'est okay. Marie Déneige, c'était le nom de ma mère. Et puis, c'était tellement fort comme vision que ça l'a réveillé. Alors, vois-tu, c'est des choses qu'on peut pas expliquer. Ça l'a réveillé parce qu'elle était morte, fait que ça l'a réveillé. De qui aurait été réveillé par tout ça? Non. C'est son amie. C'est une femme qui était une de ses amies. Ouais. Je crois qu'elle savait que ma mère était peut-être malade, mais elle savait pas quand est-ce qu'elle était pour mourir. Mais le soir où elle est morte, elle a eu comme une vision pendant qu'elle dormait. OK. Elle s'est envolée. Ouais, c'est-à-dire que la vision est devenue concrète. Ça, c'est quelque chose que le public comprend pas. C'est que des fois, les gens ont des expériences de vie qui deviennent concrètes. Et mais moi, ce que je comprends, François, c'est que vous avez peur réveillé. De rien. Là. Vous avez peur de rien, vous. Parce que là, vous parlez déjà des peurs des autres. Là. Oui, je sais. Mais moi, j'ai pas eu d'expérience épeurante de ce genre-là. Mais c'est pour te dire que ce que les gens vivent, il y a quelque chose là. Moi, j'ai suivi des cours en parapsychologie il y a plusieurs années. En parapsychologie, ça, c'est oui. La psychologie du paranormal, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Et puis, c'est un cours qu'un professeur donnait à Montréal en 1975. Ça m'ouvrait les yeux sur plusieurs aspects par rapport à la vie humaine. Mais ce que j'ai appris, c'est que quand les gens vous voient comme des fantômes ou des apparitions, ce sont des âmes, c'est des êtres humains dont la vie est incomplète. Il leur manque quelque chose pour compléter leur vie, un événement ou une forme de pensée. C'est pour ça que quand vous voyez ces gens-là dans votre maison ou dans une maison hantée, faut que vous leur parliez. Parce que dès que vous allez leur aider à compléter ce qui leur manque, ils vont passer au monde spirituel. J'ai le goût de demander à Lucille, qu'est-ce qu'on doit faire si jamais on est en présence de fantômes à la maison? Parce que là, j'ai le conseil ici, c'est de leur parler. C'est pas fou. T'sais, c'est un peu comme quand on croise un ours en forêt, il faut faire du bruit, il faut prendre de l'espace. Peut-être que c'est ça pour les fantômes aussi. On va demander à Lucille. Lucille, si je vois un fantôme en pleine nuit chez moi, comment dois-je réagir? Qu'est-ce que je dois faire? Si tu vois un fantôme chez toi en pleine nuit, la première chose, c'est de garder ton calme. Assure-toi que ce n'est pas une illusion due à la lumière ou à la fatigue. Si tu crois toujours qu'il y a un fantôme, tu peux essayer de lui parler calmement ou de simplement quitter la pièce. Rappelle-toi que le plus important, c'est ta sécurité et ton confort. Hey, vous étiez pas loin, François, même que vous étiez direct dessus. Là. Faut parler, faut dialoguer avec le fantôme. Là. Faut faire des pots en terre cuite avec le fantôme. Là. Ben, c'est ça, c'est que les gens, quand ils ont peur, là, c'est parce qu'ils ont un manque d'expérience. Comme être humain, il faut aller au-delà de notre peur. Il faut vivre l'événement et le comprendre. OK. Puis vous, est-ce que ça vous est arrivé, François? Ben, disons, j'ai eu une expérience après la mort de ma mère parce qu'à un moment donné, il restait seulement que je faisais aîné, puis moi dans la maison, puis... Pendant quelques mois, j'étais tout seul dans la maison, mais évidemment, j'étais à l'école, là, mais quand j'étais chez moi, une fois, j'étais dans le salon, il y avait déjà moins de meubles dans la maison, puis là, j'ai entendu des pas dans le salon où est-ce que j'étais. Et puis là, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui marchait. Oh! Apparition! Et le son, non, je pouvais pas voir la personne, mais j'entendais des pas sur le plancher du salon, à deux endroits, puis j'ai tourné la tête deux fois. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être ma mère qui venait chez nous, tu vois. Mais c'est la seule expérience que j'ai eue, mais ça m'a laissé perplexe. Qu'est-ce qui vous a conduit à aller faire des études en parapsychologie? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut aller apprendre, on peut apprendre la trompette à l'école, on peut apprendre à enseigner, on peut apprendre la biochimie, on peut aller faire un cours de charpentier-menuisier. Pourquoi la parapsychologie? Puis à quelle faculté? C'est pas une faculté, c'est un homme qui s'appelait Monsieur Roy. Je m'en souviens plus de son prénom, donc faudrait que je regarde dans mes archives. Un sorcier. Puis c'est un cours qu'il donnait au public. Ça coûtait autour de 130 $. On y allait une fois par semaine. Ça a duré deux mois. Okay. Et j'ai appris beaucoup de choses. Puis la raison pourquoi est-ce qu'on va là-dedans, c'est parce que ça fait partie de la vie humaine. Nous sommes des êtres spirituels. Puis à notre époque, tu sais, ce que je trouve de triste, c'est que les gens, ils ont seulement qu'une vision matérialiste par rapport à la vie humaine. Les gens, ils parlent de leur cerveau. Ah, moi, je dis mon cerveau, je fais ci, je fais ça avec mon cerveau. Mais le cerveau, c'est seulement qu'un organe. Il est en rapport avec notre esprit. Notre esprit, c'est quelque chose qui est très complexe et qui est éternel, qui est un peu en nous et un peu à l'extérieur de nous. Alors, je me suis développé dans le domaine des sciences, puis j'ai senti le besoin dans ces années-là. J'avais autour de 20 ans. Puis je voulais apprendre des choses extraordinaires par rapport à la vie humaine. Et le cours que j'ai eu, c'était vraiment exceptionnel parce que il te permet d'avoir des expériences en dehors du corps. J'ai fait des exercices, mais j'ai jamais été capable de le faire. J'ai arrêté à un moment donné, là, mais j'ai appris une méthode pour aller au-delà du corps. Alors, on appelle ça le voyage astral. Oui, OK, le voyage astral, c'est ça. Beaucoup de gens en ont parlé, mais eux, c'est arrivé quand ils étaient en train de mourir. Finalement, ils sont pas morts pour nous raconter c'était quoi. Mais vous pouvez le provoquer, ce voyage-là. Vous pouvez littéralement le prendre le billet aller-retour vers l'astral. Oui, c'est-à-dire que comme être humain, parce qu'on est des êtres spirituels, on peut avoir des expériences en dehors de notre corps. On peut, par exemple, voyager autour de la Terre, mais à un moment donné, vous pouvez aller à travers l'univers, puis vous pouvez essayer d'aller dans le monde spirituel. Ça fait partie de l'expérience humaine. Moi, j'adorerais ça, vivre ça, François. Là. Je me livre à vous, là. Je vais m'installer comme il faut. Là. Expliquez-moi qu'est-ce que je dois faire. C'est parce que il y a une expérience à avoir dans le domaine de la parapsychologie, puis c'est lié au monde du yoga, tu vois. Donc, dans un premier temps, il faut calmer le corps. OK. Ça s'appelle le yoga de base. Ça, les gens en public, mon corps. Ils connaissent ça. Il faut retomber dans les ondes lentes au niveau du cerveau. Il faut jouer avec la respiration, la contraction et la relaxation des muscles. Mais ça, c'est la méthode du yoga. Mais ça, c'est seulement que la base. Après ça, il faut que tu calmes au niveau de tes émotions et tes sentiments. Parce que c'est un autre niveau par rapport à la vie humaine. Après ça, il faut ouvrir l'esprit par rapport au monde qui nous entoure. Et c'est seulement qu'à partir de là que tu peux aller pour essayer de faire un voyage astral. Mais ça demande quelqu'un pour te montrer ça. T'sais, moi, je pourrais te le montrer quand j'irai chez toi. Là, je pourrais te montrer ça. Mais c'est à 130$ il y a un bout de temps, puis là, il y a l'inflation depuis. Là. Ça serait plus cher. Là. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous l'a montré, là, ça. Là. Oui, c'est quelqu'un qui m'a montré ça. Mais moi, j'ai pas besoin d'argent. Moi, je suis prêt à enseigner ça au monde. Mais tu sais, toutes ces choses-là, ça fait partie de la vie humaine. Faut pas voir ça comme quelque chose qui est extraordinaire. On est des êtres spirituels. Puis là, vois-tu, là, on fait face à un dilemme à notre époque. Quand on va mourir, est-ce que c'est le néant? Ou ben non, si la vie continue après la mort. Puis moi, j'invite le public à réfléchir sur les deux possibilités, tu vois, parce que j'ai un esprit ouvert puis qui est universel. Il y a des gens qui pensent que quand on meurt, puis après ça, quand le cerveau il meurt, ben là, l'esprit est supposé mourir parce que les gens ils voient seulement que le système nerveux. Mais l'être humain est plus que le corps. On a une conscience universelle, des valeurs d'ordre moral, le don de la liberté, la conscience de notre univers, puis d'un monde parallèle qu'on appelle le monde spirituel, puis on croit en Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. Donc, il y a des aspects qui vont au-delà de la matière. Ça rejoint un peu ce que les gens disaient à propos des fantômes, tu vois. Oh boy, OK, j'étais parti, moi là, j'étais très loin. Je viens de revenir, François. Je suis dans un état de bien-être actuellement, François. Ben, les respirations ont fait énormément de bien. Ben, c'est très bien parce que tu vois, ce genre de choses-là, on n'en parle presque plus à notre époque. Les gens, ils sont devenus tellement matérialistes qu'ils regardent juste la vie humaine par rapport à la chair. Puis quand ils vont mourir, ils considèrent que les gens, ce qui est important, c'est des souvenirs ou des affaires qui restent sur Facebook ou sur l'ordinateur, comme s'il y avait juste ça. Mais on a de la misère à réaliser que il peut y avoir quelque chose qui est beaucoup plus élaboré. Merci, François. C'est des appels là, qui sont toujours surprenants, originaux, uniques. J'oublie jamais un de vos appels, François. Passez une très belle nuit. Bonsoir, Louis-Philippe. Au revoir. Il est 1h56 à la nuit en direct. On en entend des vertes, des pas mûres. Parlons-nous de peur, de phobie, encore pour une autre heure à l'émission, en ce début de mois des morts. Et le lendemain d'Halloween. Et c'est tout est bizarre, hein? Il fait 20 degrés, au-dessus de 20 degrés à Montréal. Presque 2h du matin. C'est quand même quelque chose, là. 514-790-0224, 1-800-667-5241, partout au Québec. Parlez-moi de ce qui vous fait peur, des phobies que vous avez ou des moments traumatisants de votre vie pour encore une heure à se faire peur à la nuit en direct. En direct avec Louis-Philippe Guy de Montréal. 514-790-0224. Partout au Québec, sans frais. 1-800-667-5241. La nuit, en direct. Les amateurs de sport, pour les fans finis de sport. Mais pour personne au mois de septembre qui aurait dit que Lane Hartson aujourd'hui, serait un joueur important sur le désavantage numérique. Et pourtant, il l'est. Il se rajoute à des Armia qui font tout un job, à un Evans qui fait tout un job, à un Savard qui fait tout un job. Mais ça donne le résultat qu'on a, puis bravo. Les amateurs de sport avec Mario Langlois. En semaine, 20h. Au 98.5 Montréal. C'est pas sorcier faire ses opérations de la SAQ en ligne sur sa clique. Pour remplacer un permis perdu, vous avez même pas besoin de dire « Remplatio! Permis tous! » Ben non. Et pour remiser un véhicule, vous avez encore moins besoin de dire « Rémisio! Véhiculo! » Non, c'est pas sorcier. Juste besoin de quelques clics sur sa clique. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Vous rêvez d'une maison qui vous ressemble? Bonne nouvelle! Du 8 au 10 novembre, le Salon District Habitat vous attend au complexe sportif CN du quartier 10-30. Rejoignez-nous pour découvrir les dernières tendances au plus grand rassemblement d'experts en habitation de la Rive-Sud. Économisez 3 $ en achetant vos billets en ligne dès maintenant. Rendez-vous au www.districthabitat.ca. Le Salon District Habitat, un salon 100% habitation pour vous, près de chez vous. Paul Arcan retrouve ses complices, Catherine Brisson et Alain Crête. Dans le balado, on n'a pas tout dit. Patrick, je te dirais que les premiers à s'opposer à l'abolition des bagarres, ce sont les joueurs eux-mêmes. On n'a pas des joueurs puis de leur syndicat. Quel syndicat permet à ses membres de se taper sa gueule pour prendre la place de l'autre? La FTQ. Chaque vendredi, découvrez un nouvel épisode du balado On n'a pas tout dit dans l'espace Paul Arcan sur le site de votre station Cogeco Média. Hey, tu sais pas quoi? On a encore eu un dégât d'eau dans l'immeuble. Nos assurances vont sûrement augmenter. Encore la voisine du quatrième qui s'est endormie en faisant couler son bain? Ben oui, ça a même descendu sur 2 étages. Hey, j'ai justement installé le système de protection contre les dégâts d'eau Sedna, mon chalet. Puis j'ai vu qu'il offre même une solution complète pour les condos, hein? Ah ouais? Je vais en parler à la prochaine réunion du syndicat. Ça nous prend ça. Avant d'être dans l'eau chaude, installez Sedna de Sinopé, votre meilleur allié pour la prévention des dégâts d'eau. Dernière nouvelle. Écoute en direct. Balado diffusion. Info. Circulation. L'application. Cogeco Média. 98. Partout au Québec. Cogeco Média. Parce que vous voulez tout savoir. Cogeco Média. Vous écoutez La Nuit, en direct, partout au Québec. De retour à Louis-Philippe Guy. Il est 2h, dernière heure de l'émission qui fait peur. Francine est avec nous. Salut Francine. Oui, salut Louis-Philippe. Bon, moi je vais commencer l'histoire, je te dirais ma peur en cours de route, mais okay. Je commence l'histoire. C'est que moi, il y a 4 ans, j'ai eu une pneumonie atypique. Pneumonie atypique, c'est que t'as pas de symptômes, t'as pas de fièvre, t'as rien, tu tousses pas, il se passe rien. Puis là, tout d'un coup, tu deviens très essoufflé. Puis à un point que c'est très, très incommodant. Fait que j'ai dû me rendre à l'hôpital en urgence. Et puis à l'urgence, ils m'ont donné un médicament pour calmer cette situation-là. C'est un médicament que je connaissais pas. Puis en tout cas, qui s'appelle le Tazocin, là, mais c'est pas ça le but de. C'est pas ça le propos. Et ce médicament-là a créé une réaction, ça a fait un choc anaphylactique. Oh, OK. Donc, comme une espèce d'allergie, là. Ben, une allergie, mais tu sais, très réaction, majeure. Réaction forte, là, oui. Parce qu'il y a toutes sortes de réactions, d'intolérances, tout ça. Tu peux avoir plein de petits boutons, tu peux te gratter, tu peux, en tout cas, il y a plein d'affaires. Mais celui-là, c'est pas mal le pire, là, si tu fais une gradation. Et puis, de cette affaire-là, il a fallu qu'il me donne d'autres médicaments, c'est comme l'épipène, puis l'épinéphrène, puis toutes ces patentes-là. Et puis là, ça a été, tu te sens comme bizarrement dans un, comme dans, je me dis, voyons, il me semble que ça marche pas mon affaire. Fait que là, je l'ai fait revenir. Et puis là, ils me disent, oh, non, mais ça marche pas en tout. Fait que là, je me fais, tu sais, comme dans un film, tu te fais étendre comme sur une espèce de civière. J'étais déjà là, mais là, ils me transfèrent de l'autre côté. Et puis là, ils te donnent tout ça, puis ça presse. Puis là, il y a plusieurs personnes autour de toi. Puis là, c'est assez impressionnant. Puis là, tu te sens pas partir, puis voir une lumière, puis voir ta vie défiler. Mais tu te sens comme... Tu te sens plus là, mais t'es là. T'entends tout ce qui se passe. Les gens te parlent. Puis là, ils te disent, Madame Francine, on va dire ça de même. Madame Francine, là, restez avec nous autres. Madame Francine, on s'occupe de vous. Inquiétez-vous pas. Fait que... Et là, c'est revenu, c'est sûr. Mais moi, depuis ce temps-là, j'ai bien peur de... C'est un médicament que je connaissais pas, auquel j'étais pas allergique. Parce que quand tu vas à l'hôpital, ils te demandent, t'as des intolérances à quoi? T'es allergique à quoi? Bon, ils te demandent toutes sortes de questions. Mais là, depuis ce temps-là, je me dis, si je connais pas, je suis pas connu pour avoir une intolérance ou une allergie, ben là, peut-être que je l'ai, puis que je vais la faire. Écoute, tu t'es rendu quand même à un certain âge, là. Et puis, fait que ça m'inquiète. Je pense pas à ça tous les jours, là. Tu sais, j'ai passé à travers en faisant des blagues un peu. J'ai dit, ils veulent pas m'avoir en haut. Mais tu sais, moi, des fois, je négocie un peu comme ça avec mes affaires que j'ai peur. Puis depuis ce temps-là, ces choses-là m'inquiètent. Puis toutes les interactions médicamenteuses. OK. Parce que, oui, le pharmacien, il connaît sa job. Il sait ce que tu as dans ton dossier. Mais il faut faire attention quand même. Et puis, fait que moi, je suis plus prudente. Je leur demande, je m'informe pour pas repartir chez nous puis qu'il m'arrive quelque chose de ben, en tout cas, une dépression respiratoire ou tu sais, toutes sortes d'affaires, une espèce de, tu sais, que tu t'es dans un état sédatif, t'es chez vous puis t'as pas tout ce qu'il faut pour te sortir de là. Fait que, est-ce que vous avez pas peur en vieillissant parce qu'on a besoin d'utiliser plus souvent le système de santé en vieillissant, ça vous fait pas peur, ça? Oui, je vais te dire pourquoi. Parce que récemment, j'ai dû me rendre justement en ambulance. Puis les deux ambulanciers, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient gentils, respectueux et tout ça. Mais ces deux-là, là, ça a été vraiment la pire expérience de ma vie. Ils étaient impolis, aucune empathie. Ça brassait, puis tu sais, je veux dire, aucune empathie. Puis là, il parlait de, bon, il avait faim, puis il avait hâte d'arriver, puis il avait hâte de... Bon, à l'hôpital, l'infirmière était super gentille, tout s'est bien passé. Mais tu sais, quand tu vieillis, t'as toujours l'impression qu'il y en a, pas tout le monde, mais il y en a qui se disent, bon, là encore une personne d'un certain âge. Ouais, donc, c'est ça. Une espèce de profilage de vieux, là. Moi, ben c'est ça, tu sais, l'espèce de profilage, puis l'espèce de... Alors que moi, je suis plutôt assez dur à mon corps, puis des fois, je me fais dire, ben, mon Dieu, pourquoi vous avez pas appelé avant? Pourquoi vous êtes pas venu avant? Ben, c'est parce que tu le sais pas, tu essaies de régler ça tout seul, tu essaies de t'organiser avec... Moi, je fais de l'Est, fait que tu organises avec tes pompes, tu t'organises avec du Tylenol, tu sais, tu essaies de... Fait que en vieillissant... Oui, ça me fait peur. Puis tomber sur des gens qui, je sais pas, il est fatigué de sa journée, il est écœuré, il a pris, en tout cas, ces deux-là, là, j'ai pas fait de plainte, mais je te raconte pas tout ce qu'ils ont fait, là. Mais imaginez, des fois, c'est important de faire des plaintes, mais on n'a pas toujours la force de le faire après cet événement-là, parce qu'ils vont répéter ça à d'autres, puis ils vont créer la peur à d'autres. Oui, puis l'autre chose, c'est que moi, je me dis, puis là, c'est peut-être mon petit côté parano, c'est que je me dis, admettons que ces deux-là, là, complètement incompétents, parlent de ça avec d'autres. Les chances qu'ils entendent, bon, c'est elle qui appelle. Ah, ben oui, on est allé là, à telle adresse. Puis moi, j'étais complètement, j'étais pas du tout déplaisante, là. J'étais bien, bien souffrante. Puis c'est pas moi qui menais le bal, là. Mais tu sais, qu'ils parlent de ça à d'autres collègues. Puis comme, à travers leurs lunettes, là, de dire, ben oui, on est allé là, puis telle affaire, puis... Fait que, tu sais, tu te sens... Puis, tu sais, à l'hôpital, moi, il y a des fois, je dis au médecin, mais écoutez, moi, c'est pas ma sortie de la semaine, là, venir ici, là. Ouais. Parce qu'il y en a que t'as l'impression qu'ils sont cassés un angle d'orteil, tu sais, puis qu'ils vont là. Mais, fait que tout ça, parce que il y a des vieux qui sont déplaisants. Moi, j'en entendais quand j'étais dans des urgences, parce que j'étais allé quand même quelques fois. Puis là, tu sais, qui chiolent après le personnel, qui sont pas fins. Qui sont puis moi, ben j'essaie, je suis une patiente, bien patiente. Fait que je me dis, mon Dieu, est rendu là-bas, ben là, j'ai eu des bons soins. Mais tu sais, quand ça urge, là, fait que disons que je fais attention, je fais pas exprès de prendre les médicaments pour le plaisir. Je veux garder ma tête, puis je veux garder mon corps aussi. Je veux pas faire de voyage astral. Excuse-moi, non, mais en tout cas, ça m'intéresse pas bien, bien. Ils sont nombreux, hein, à en vivre des voyages astro. Hein. Je sais pas, est-ce qu'on dit ça au pluriel, astro? Ah, je le sais pas. Astro moi, le robot, les voyages d'Astro le robot ou voyage astral? Astro le robot, ben oui, quand on était jeune avec les enfants, on écoutait ça. Ben oui, mais non, moi je peux te dire que je suis prudent, puis je m'informe bien aux pharmaciens, puis par-dessus le médecin, parce que le médecin, des fois, il connaît pas, il connaît ton dossier, si tu lui as expliqué, mais tu sais, tous ces mélanges-là, il connaît pas tout le temps. Fait que le pharmacien, c'est beaucoup plus l'expert dans ce domaine-là que le médecin. Fait que moi, le pharmacien, il passe après, puis là, des fois, il va rappeler le médecin, il va dire, non, ça marche pas, avez-vous d'autres choses à prescrire? Fait que moi, je fais quand même confiance un peu à du monde, quand même, là. Je suis pas méfiante sur toute la ligne, mais je suis prudente. Dans la vie en général, je suis prudente, puis peut-être que je suis prudente pour ceux qui le sont pas, fait que je fais bonne attention. Puis juste une parenthèse sur les voyages astro. Ouais. Moi, j'avais deux sœurs quand on était jeunes, là, étaient adolescentes. Puis là, ils faisaient ça, ces affaires-là. Ils faisaient des voyages astro. Ouais, ils faisaient des voyages astrales. Puis là, à un moment donné, il y en a une qui a fait un voyage astral. Puis là, elle me racontait ça. Elle dit, ben oui, l'autre sœur était méchante. Puis ce qu'elle a fait, elle est sortie de son corps. Puis l'autre, elle est rentrée dans le corps de celle qui était partie. Puis là, elle voulait plus laisser l'autre en prendre sa place. Mais là, je dis, ben voyons donc, ça en fumait du bon, ça n'a pas de bon sens. Mais eux autres, là, ils croyaient ça dur comme fer. Fait que moi, je vais être bien groundé, puis je suis une réaliste dans la vie. Puis des fois, il y en a qui ça les fait choquer. Mais je me dis, garde, moi, j'ai le droit de vouloir avoir ma tête, puis avoir mon corps, puis d'être bien connecté, puis bien focus, comme ils disent des fois dans le sport. Oui, c'est ça. J'ai le droit, moi, à ça. Puis je suis contente parce que mes enfants, ils sont pas en tout comme ça, là, à rêvasser, puis à faire des trips de toutes sortes. Puis peut-être qu'ils ont vu comment que la mère se conduisait, mais je trouve ça... Mais ceux qui sont comme ça, puis qui ont des croyances... Moi, j'ai une spiritualité, mais c'est pas comme ça. C'est pas une spiritualité non plus d'aller... à la messe tous les jours, puis d'aller... Moi, je suis bien critique. Quand je vais à la messe, j'y vais beaucoup moins maintenant, mais tu sais, j'écoute ça. Qu'est-ce qu'il nous dit, le prêtre? Qu'est-ce qu'il nous dit dans son évangile? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il va nous dire bientôt que c'est la pause publicitaire, mais merci, ouais. Francine, de votre appel. OK. Salut, à la prochaine. Bon, la nuit, en direct. En direct. Pour parler en direct avec Louis-Philippe Guy de Montréal. 514-790-0224. Québec, sans frais. 1-800-667-5241. La nuit, en direct. En direct. À la radio, on n'arrête jamais. Et comme il se passe toujours quelque chose quelque part, on vous informe, même le week-end. Retrouvez Élisabeth Crête et ses collaborateurs samedi et dimanche dès 7h. Au 98.5, Montréal. L'inimitable. Pendant que vous fêtez les 2 ans de Charlotte avec toute votre famille, l'AMF veille. Pendant que vous pédalez comme un forcené sur votre vélo stationnaire pour retrouver votre forme d'antan, l'AMF veille. Pendant que vous regardez en rafale votre série préférée, l'AMF veille sur vos dépôts en les protégeant au cas où une institution financière provinciale ferait faillite. Continuez de profiter de la vie. L'AMF veille. Pour en savoir plus, consultez l'autorite.qc.ca. Un message de l'Autorité des marchés financiers. On s'est demandé ce qui te convaincrait de venir travailler en concessionnaire automobile. Sûrement qu'on offre des très bonnes conditions, que les horaires sont vraiment flexibles, que l'ambiance de travail est tripante. Tu sais, un milieu, ça accroche. Mais tout le monde doit dire ça. À place, on va te dire ce que nous, on cherche. Des gens ambitieux, passionnés et qui ont de la drive. T'as même pas besoin de triper ses chars. Si ça te parle, c'est toi qu'on veut. Rejoins un milieu qui avance et postule sur le site de Ma Carrière en concessionnaire. T'as l'air frippé. Je sais, j'ai encore passé la nuit sur la corde à linge. Souffrez-vous de douleurs articulaires qui perturbent votre sommeil? Adrien Gagnon se démarque en lançant son supplément naturel innovateur Sommeil sans douleur. Une combinaison antidouleur dos et articulations qui vous aide à trouver le sommeil. Ce produit 2-en-1 à base de curcuma et d'écorce de saule soulage vos douleurs articulaires. Combiné à la mélatonine, il vous aide à vous endormir. Adrien Gagnon, présentement en rabais chez Jean Coutu. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Attention! Malgré toutes les précautions prises, personne ni aucune entreprise au Québec n'est totalement à l'abri d'un sinistre causé par l'eau, le feu ou la fumée. Peu importe la cause, peu importe l'ampleur et peu importe où ça se produit, rappelez-vous que personne au Québec n'a autant de techniciens et d'équipements pour intervenir vite et bien en cas de sinistre. L'entreprise de confiance à contacter, c'est Calinet. Calinet, le leader après sinistre partout au Québec 24/7. Laissez Germain Larivière vous enchanter. Pendant le mois du matelas, obtenez une base électrique à moitié prix à l'achat d'un matelas Serta. Enchanté. Germain Larivière. Dimanche 11h, soyez avec nous, amateurs de sport week-end. Résultats, commentaires, analyses, bilan du week-end et événements à venir. Le dimanche 11h, votre formule express pour vous informer, car la passion du sport ne prend jamais congé. Au 98.5. L'inimitable. Au Cogeco Média, vous écoutez La Nuit, en direct, en direct, partout au Québec. De retour à Louis-Philippe Guy. Et oui, de retour à notre nuit qui fait peur à La Nuit en direct. On parle de vos peurs, vos phobies, des moments terrifiants de votre vie. Il est anonyme. Hein. Notre prochain auditeur ne voulait pas se nommer parce que c'est un peu gênant de nous raconter tout ça. Puis, on lui a donné un nom fictif au hasard. Alors, c'est un nom composé. Monsieur Gilles Alain est avec nous. Salut, Gilles Alain. Bonjour. Ça se dit bien pour le seul, Gilles Alain. Oui, ça se dit bien. Je ne sais pas trop par où commencer. Disons que ça a commencé quand j'avais 17 ans. Ça, c'est mes peurs. J'étais chez des amis. On était 4-5 assis par terre. On discutait. Moi, j'avais le dos à côté au mur. Puis j'ai entendu une voix bien forte d'homme dans ma tête. Une voix bien forte d'homme? Là. Oui. Okay. Une voix assez forte. Puis là, je regardais mes amis. Je dis, coudonc, il n'y a personne qui me parle. Je savais que j'avais le dos à côté au mur. Puis j'ai quand même regardé en arrière de moi s'il y avait quelqu'un, là, tu sais. OK. Puis, ce que la voix me disait, c'est « Dis de faire attention. Elle va avoir un accident de char, elle va mourir. » Je voyais, voyons donc, c'est fou, ça. En même temps que j'entendais la voix, la mère du petit gars, elle rentrait dans la maison. Elle avait à peu près 34-35 ans. Rentrait dans la maison avec ses chaussures, puis par la porte, là, ou... Non, une personne. C'était la mère de l'enfant, là. On était assis dans le salon, on avait 17-18 ans à peu près. Elle revenait de veiller? Elle revenait de l'épicerie, elle arrivait, il était 4 heures l'après-midi. Fait que là, moi, je me suis dit, voyons, je peux pas y dire ça, elle me connaît même pas, elle va me prendre pour un fou, tu sais, ça n'a pas de sens, je peux pas y dire ça. Ben, un mois après, jour pour jour, elle est décédée dans un accident de char. Ben, elle a fait un face-à-face. Ouais. Ah, ouais. Puis vous avez. Rappelez-vous, c'était pendant le sommeil, ça, ou c'est une apparition? Non, c'était dans l'après-midi. Dans l'après-midi, j'étais assis avec mes amis, on discutait par terre, dans le salon. C'est une voix que j'ai entendue dans ma tête. J'avais le dos à côté au mur, là. Puis je me suis quand même reviré. Je sais qu'il n'y a personne en arrière de moi, là, tu sais. Ça n'a pas de sens, là. OK. Ouais. Tabarnouche, c'est bizarre, ça. Puis, êtes-vous du genre à consommer des produits illicites? Non. Jamais. J'ai jamais pris de drogue de ma vie, puis de l'alcool, très peu. OK. Puis, une seconde fois, c'est arrivé... C'est un ami qui m'avait dit ça. Il dit, tu vas voir, il dit, quand il t'arrive quelque chose de merveilleux, il y a quelqu'un qui décède. Je trouvais ça niaiseux. Honnêtement, c'est la pire chose qu'on peut dire à quelqu'un. Ouais. Parce qu'après ça, chaque fois qu'il t'arrive de quoi de bien, ben tu peux pas le savourer, puis tu te dis, bon, qui c'est qui crève, là? Ouais. Mais c'est arrivé à deux reprises. La première fois, lui, il me dit ça, il dit, moi, il dit, j'ai vu un hibou. Il adorait les animaux, tu sais, puis il dit, j'ai vu un hibou, je me promène dans le bois, j'ai vu un hibou, mon grand-père est décédé. C'est voir des hiboux, c'est rare. Là. Ouais, c'est je croyais déjà, pas là. À ça, tu sais, je trouvais ça stupide qu'ils me disent ça. Fait que moi, j'habitais en arrière d'un terrain boisé, si tu veux, puis je faisais le tour de mes collèges, j'allais à la chasse. Puis j'avais jamais vu de chevreuil de ma vie. Et j'avais à peu près 12-13 ans dans ce temps-là. Puis, j'ai tombé nez à nez avec 5 chevreuils dans le bois. OK. Puis, ils m'ont pas vu. Non, j'étais dans le coin de Grondine. Là. Grondine, OK. Dans ce temps-là, ils n'abattaient pas les cerfs. OK. Non. Puis, j'ai tombé nez à nez avec 5 chevreuils. Puis, mon cœur me débattait. Ils m'ont pas entendu. Ils bougeaient pas. Ils continuaient de manger. Ça a duré peut-être, dans ma tête, ça a peut-être duré 30 secondes. Il y a un lien, par exemple, entre les deux apparitions, là. Ouais. Dans un cas, c'est un hibou. Ouais, là, ça, les cerfs... pour moi, ça, c'était mon ami. Ça. Ouais, ben ça, mais il y avait un hibou. Puis vous, dans votre cas, les cerfs, ils bougeaient pas. Ouais. Fait qu'il y a un lien entre les deux. Et j'ai googlé là, la signification de l'apparition du hibou. Là. Dans certaines cultures, les hiboux sont considérés comme des symboles de protection et de chance. On pense qu'avoir un hibou à proximité peut éloigner les mauvais esprits et apporter la fortune à la maison. Fait que okay. Le grand-père, était-tu mal commode? Écoutez, je le connaissais même pas, son grand-père, là. Mais moi, ce que je veux expliquer, c'est que quand j'ai vu ces chevreuils-là... Les chevreuils en symbolisent l'amour et la compassion. Hein. Bon, en tout cas, 30 secondes... Et la bonne viande. 3-4 minutes après, je suis rentré à la maison. Mon père raccrochait le téléphone. C'était ma grand-mère qui venait d'appeler. Ton grand-père est décédé. C'est arrivé au même moment. Les grands-pères, hein, dans les deux cas, hein, les grands-pères reliés aux animaux. Oui. Puis... J'avais un ami quand j'habitais, j'avais déménagé. Ah, une chance que les écureuils sont pas là-dedans, parce qu'il y aurait du monde quand il y aurait du monde qui mourrait là. J'avais un ami quand j'avais 15 ans, puis lui, il avait peut-être 12, 13 ans, puis il disait, toi, il dit, je vais me promener avec ma moto, la voiture de mon père, c'est un char sport. Puis j'avais dit, ah non, fais attention, tu vas faire un accident avec ça, c'est dangereux, là, tu sais. J'étais un peu père poule, mettons. Fait que c'était un très bon ami, puis il se redonnait tout le temps un air, tout le temps une chanson qui nous faisait bien rire. OK, hein? OK. Puis 15 ans après, j'étais en train de travailler dans une usine avec mes coquilles. Ça faisait 15 ans qu'on ne s'était pas parlé. Puis j'étais en train de travailler avec mes coquilles. Puis à un moment donné, j'entends sa chanson. Je l'entends fredonner super fort dans ma tête. Ça me fait sourire. Aïe, c'est vrai, ça fait longtemps que j'avais pas pensé à lui, tu sais. Puis là, il vous a appelé pour vous dire qu'il était mort. Je finis de travailler, j'arrive chez nous, mon père, il m'appelle, il dit, tu sais pas qui est décédé, il dit, ton ami est décédé dans un accident. Ouais. Ben écoute, là... Mais ça, c'est... C'est sûr que tu veux pas, t'as des frissons, là, tu dis, voyons donc. Oui, puis là, je regarde... C'est arrivé, il y a une femme qui a disparu. C'est arrivé, j'osais pas le dire, là, quasiment on va prendre sur le fond, il est fou, c'était. Il y a une femme qui est décédée, puis 10 ans avant, je l'ai senti. Je l'ai senti, puis je me suis dit, voyons, on pense pas à des affaires de même. Mais là, fou, 10 là. Ans avant, tu sais, Gilles-Alain, en tout respect, là, mais je sens qu'un jour, vous allez mourir, là. Ben, ça, c'est sûr que je vais mourir comme tout le monde. Ben, c'est ça, écoutez, 10 ans avant, je veux dire, mais vous avez eu... Décrivez-nous le feeling. L'angoisse, c'est un stress, le cœur qui pompe, puis qui tu sais, je veux dire, c'est comme une tension. Là. C'est quand ça arrivait, là, c'est comme s'il n'y avait plus personne autour. Parce que là, j'étais dans une épicerie, là, quand c'est arrivé, là. OK. Rayon fruits et légumes, on pense à... Non, j'étais au comptoir. Au comptoir. OK. Puis là, vous avez eu une idée. Aline, elle meurt dans 10 ans. Non, c'est pas une idée que j'ai eue. OK. Comment je peux dire ça? Je me suis senti comme si j'étais plus dans l'épicerie. OK. J'étais comme... Dans un mortuaire? Non, j'étais comme dans ma bulle. J'étais plus là. J'étais plus dans l'épicerie. J'étais face à elle, puis c'est tout. Là, c'est... C'est une histoire à dormir comme l'hibou, là. Ben, je le sais. Ça fait longtemps que je voulais vous appeler pour vous en parler, mais qui va croire à ça? Ben non, mais qui c'est... va croire à tout ce que je viens de raconter? Là, ben, en même temps, c'est... ça vous est arrivé. Moi-même, je ne croirais pas. Je veux dire, quelqu'un qui me conterait ça, puis ça ne m'est pas arrivé, je ne croirais jamais à ça. J'en parle à ma famille, ça fait 30 ans de tout ça. Je raconte toujours les mêmes événements qui sont arrivés, puis tu sais... Il n'y a personne qui ose me croire, là, tu sais. Ouais, les gens ont peur de vous appeler aussi. C'est complètement fou. C'est complètement fou, là. Et bientôt, on marche dans le bois. Là, d'un coup, qu'on croise un Suisse, là, qui c'est qui va mourir, tu sais? Ah oui. Gilles Alain, c'était bien le fun. Merci d'avoir appelé. Je vous remercie. À la prochaine. Puis si vous voulez rappeler, utilisez Gilles Alain, je vais me souvenir de vous. OK. C'est ça. Mais là, vous n'avez pas pensé à moi, vous autres, à l'épicerie. Là. Hein? Quand vous faites l'épicerie, pensez pas à moi, OK? Non. C'est bon. Parce que sûrement que dans une caisse libre-service, vous allez penser à moi qui sacre. C'est ça ma peur. Je veux dire, à un moment donné, j'ai demandé à plus voir ça. Là. Ça me faisait peur, tout ça, là, puis j'étais tanné. Ouais, vous avez un don, un donné, hein, puis ça vient avec des un fardeau. Ça s'est arrêté, ça. Ah oui? À un moment donné, oui, ça fait 25 ans que je 22 ans à peu près que je sens plus rien. OK. Puis bon. Je perçois plus rien. J'ai tellement eu peur de ça que j'ai demandé à. Je me répétais ça que je voulais plus. Je ne voulais plus avoir de contact à rien. Donc, le câble avec les prémonitions s'est coupé. Vous êtes vasectomisé de la vision. Écoutez, je ne suis pas comme votre auditeur qui vous a appelé précédemment. Je n'ai pas suivi de cours là-dedans puis je ne connais rien de ce qui se passe, mais ça m'est arrivé. Ben, 130$, ça vaut à peine. Ouais, peut-être que ça m'aiderait à comprendre un peu mieux ce qui m'est arrivé, mais écoutez... Rendu là. Ben alors, je vous souhaite de belles marches en forêt paisible maintenant que tout est réglé. Merci. Salut, Gilles Alain. À la prochaine. Oui, bonsoir. Il est 2h24 minutes. On est en direct partout au Québec sur la bande FM, les radios de Cogeco et également les stations affiliées. Vous pouvez me texter en studio au 98985. Il reste une demi-heure. Vous pouvez vous joindre à la vidéo pour voir l'émission que vous écoutez, voir comment ça se passe en studio. Deux caméras, une dans ma face, l'autre dans mon dos pour vous montrer un peu les angles différents du studio. Vous pouvez devenir membre de la page Facebook La Nuit en direct d'ailleurs pour rien manquer de toutes ces exclusivités qu'on ajoute autour de l'émission. J'ai une vidéo sur la page Facebook d'ailleurs dans laquelle je vous fais visiter la station pendant la nuit. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas un cerf non plus, puis il n'y a pas un hibou. Ben, c'est moi le hibou, c'est mon surnom ici. Mes collègues, Marc Briand d'ailleurs, m'appellent le hibou, puisque je passe la nuit debout. Avec vous, et qu'il n'y a personne d'autre à la station qui le fait. Donc, vous irez voir ça. J'ai aussi ma règle de vélo que j'ai mis jusqu'au REM. Je faisais des tests sur mon appareil, mon cellulaire qui tenait sur mon... J'ai un petit bras sur mon vélo. J'ai mis la vidéo sur la page Facebook. Fait que j'essaie de mettre bien du contenu pour vous. Bien sûr, elle va être tranquille pour la prochaine semaine parce que je pars une semaine dans le sud. Et donc, ça va être plus tranquille sur la page Facebook de La Nuit en direct. Mais c'est pas impossible qu'avec un petit mojito, je lance la vidéo. Pas trop affecté de l'alcool. Je veux pas dire des choses qui pourraient me mettre dans le trouble. Mais ça se peut que je vous fasse un petit coucou là, pendant ma semaine de vacances. Mais pour pas manquer ça, faut être membre de la page Facebook de La Nuit en direct. Il nous reste une demi-heure d'autres auditeurs et d'autres histoires de peur après la pause. La Nuit, en direct. En direct. Pour parler en direct avec Louis-Philippe Guy de Montréal. 514-790-0224. Partout au Québec, sans frais. 1-800-667-5241. La nuit, en direct. En direct. L'agacé, toujours pertinent. Toujours pertinent. Ce sont des triplés. Et la DPJ a décidé de mettre en adoption les trois enfants, mais de séparer les trois enfants. Ce qui me hante, c'est combien de bébés? Je n'ai pas le choix de me poser la question. Il y en a combien d'autres cas comme ça, inhumains? L'Agacé le matin, avec Patrick L'Agacé, en semaine, 5h30, au 98.5 Montréal. C'est pas sorcier faire ses opérations de la SAQ en ligne sur sa clique. Pour remplacer un permis perdu, vous avez même pas besoin de dire « Remplatio! Permis tous! » Ben non. Et pour remiser un véhicule, vous avez encore moins besoin de dire « Rémisio! Véhiculo! » Non, c'est pas sorcier. Juste besoin de quelques clics sur sa clique. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Bon, ça, c'est le plan de match. La rondelle dans le but. Il est à qui le match? Ben, il est à nous autres. Vous vous sentez épuisé après un effort physique ou mental? Adrien Gagnon lance Energex Récup sans sucre, en ampoule et au délicieux goût de cerise. Sa formule naturelle au triple ginseng vous aide à réduire la fatigue et à augmenter votre niveau d'énergie pour retrouver rapidement le meilleur de vous-même. Adrien Gagnon, présentement en vente chez Jean Coutu. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Attention, vous souffrez de façon chronique d'irritation des yeux, du nez ou de la gorge? Vous suspectez la présence de moisissures ou d'un autre contaminant dans votre résidence? Pour en avoir le cœur net, demandez à Calinette un test de votre air intérieur. Au besoin, Calinette sera en mesure de corriger la situation grâce au traitement de l'air ou par un travail ciblé de décontamination. Calinette, pour votre qualité d'air. Calinette, pour votre qualité de vie. Ici Danny Duvé et Martin McGuire. Notre référence pour une cuisine d'inspiration italienne, c'est Gâteau Mato. Destination par excellence pour célébrer, Gâteau Mato propose l'une des meilleures sélections de vins ainsi qu'une cuisine italienne jeune et trendy. Pour partager un excellent repas dans une ambiance élégante et harmonieuse ou simplement pour prendre un verre et une bouchée, notre place, c'est Gâteau Mato. Deux adresses, Laval et Boisbriand. Rendez-vous au 985FM.ca, section concours, et vous pourriez gagner une soirée exceptionnelle pour 10 personnes chez Gâteau Mato. Pour tout suivre en direct. Pour ne rien manquer lors de vos déplacements, téléchargez l'application Cogeco Média. Cogeco Média. 98.5. Partout au Québec, jusqu'à 3 heures du matin, vous écoutez La Nuit en direct. En direct. De retour à Louis-Philippe Guy, au réseau Cogeco Média. Alors, profitons de la dernière demi-heure, essayons de prendre le plus grand nombre d'auditeurs possible à l'émission. On va aller parler avec Chantal maintenant. Salut Chantal. Bonsoir. Alors Chantal, vous, vous travaillez de nuit depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Oui, votre surnom c'est les hiboux, moi c'est la chauve-souris. Ah, okay, la chauve-souris, c'est bon, on est deux animaux nocturnes. Oui. Alors, Chantal, de quoi vous avez peur ou quel événement traumatisant avez-vous vécu? J'avais déjà appelé pour des histoires de fantômes parce que mon travail, nous autres, on a la bibliothèque qui est hantée. Même mes collègues de travail ne veulent pas y aller. Attendez, une bibliothèque hantée. Partez du début, là. Plein de gens qui n'étaient pas là il y a 2 ans quand vous l'avez compté. Une bibliothèque hantée? Oui, il y a eu plusieurs événements, pas juste par moi. Mais hantée parce que comme il y a un corridor avec des livres, puis là, au bout, c'est perpendiculaire, puis il y a un autre corridor, puis ça forme un T. Fait que c'est une bibliothèque hantée, là. Oui, mais il y a plusieurs lettres aussi, peut-être en Y, dépendant de ce qu'on est dans la bibliothèque. OK, OK. Fait que là, c'est hanté dans le sens qu'il y a des fantômes. Là. Comment vous avez découvert ça? Ben, au début, on s'en parlait pas trop, mais à un moment donné, j'allais donc prendre mon lunch là ou aller à l'ordinateur, parce qu'on n'avait pas d'ordinateur au bureau. Puis il y a des livres qui tombaient. Des livres qui tombaient? Oui, je peux comprendre qu'un livre qui est en équilibre peut tomber. Mais quand ça fait deux qui tombent, quand on sait qu'on est tout seul, puis on est juste deux à travailler, puis l'autre, il est sur la route, on se dit, OK, la première fois, j'ai pensé que c'était un hasard, mais après ça, j'étais à l'ordinateur, puis à côté de moi, il y a un présentoir, mais qui est comme couché, fait que les livres sont à côté par la gravité, puis que là, le livre à côté de moi, il est tombé. Là, j'ai dit, OK, ben j'avais eu d'autres expériences de fantômes ailleurs que là. Puis, il y a différentes de lumières qui s'allumaient, ce genre de choses-là. Puis, à un moment donné, moi, j'en ai parlé. Puis, là, les gars, ils ont commencé à dire, on n'osait pas. Mais, moi aussi, il y a des livres qui sont tombés, il y a une porte qui a claqué. Parce que là, il n'y a plus personne qui voulait y aller, évidemment. Mais, je comprends. C'est un peu comme dans Interstellar avec Matthew McConaughey. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film-là de 2014. Là. Il communique là, à travers l'autre dimension, puis il pitch les livres. Là, puis, elle se rend compte que les livres qui sont tombés, ça forme des codes morse. Pour communiquer. Okay. Je sais que quelqu'un m'a déjà dit, regarde, il y a un livre qui se trouve, l'auteur ou quelque chose. Ben, je suis pas vraiment intéressée. C'est juste comme quand je veux pas avoir peur. Parce que quand parce que vous voulez pas toucher le livre qui est tombé. Tout d'un coup, vous seriez tout près du fantôme qui vient de toucher. Parce que, tu sais, le fantôme, est-ce qu'est-ce qu'il lit, du Stephen King ou du Daniel Steele? Ouais. Je n'ose même pas toucher au livre, justement, parce que, disons que, quand on ne connaît pas quelque chose, on n'ose pas. Sauf que, justement, il y a un fantôme qui, à un moment donné, m'a vraiment fait peur, que, disons, depuis ce temps-là, je n'ai pas vraiment retourné. J'ai déjà vu des ombrages, puis tout ça, mais quand je me promène, là, je change, je parle, puis je dis, fais ce que tu veux, mais fais-moi pas peur. Tu n'as pas du tapis, puis des affaires de même. Puis à un moment donné, ça, je m'en allais, je sortais, toutes les lumières étaient éteintes, et ça m'a murmuré à l'oreille. Ça vous a murmuré à l'oreille? Oui, fait que j'ai dit, si pourquoi me murmure à l'oreille, c'est qu'elle approche. C'était une voix de jeune fille. OK. Je me sentais pas menacée, rien. Je vous raconte ça, j'ai encore des frissons malgré le temps que ça a passé. Puis, c'était des chuchotements. Je l'ai là. Je me demandais tout le monde, comment j'étais pour réagir face à un fantôme. À un moment donné, j'arrivais proche. Je voyais des ombrages, mais ça faisait juste passer. Elle était carrément à côté de moi, puis elle me chuchotait ça à l'oreille. Je me suis pas sentie, pas menacée, mais je n'étais pas à l'aise. J'ai pas vraiment aimé ça. Puis, finalement, quand j'ai réussi à récupérer mes sens, mes jambes, j'ai parlé, je dis, garde, c'est trop pour moi. Je sais pas ce que tu veux, mais garde, je m'en vais, je suis pas à l'aise avec toi, on se reverra une autre fois. Je suis partie, puis ça, j'ai retourné, puis j'ai revu des ombrages, mais on m'a plus jamais chuchoté à l'oreille. Mais donc, j'étais pas grosse dans mes chocs, comme on dit, j'avais peur, j'ai eu peur. Je comprends. Chuchoter à l'oreille, c'est quelque chose, mais les ombrages, ça continuait? C'est pas des fluctuations électriques? Non, au début, je pensais que c'était des reflets de lumière, les autos qui passaient en arrière de moi. J'adore votre musique. Puis, donc, je faisais des tests, j'éclairais différemment. Puis, quand je voyais l'ombrage passer, je disais, oh, OK, gars, je te dérange pas, moi, je reviens d'abord. Donc, je voulais pas les déranger, comme on dit, puis parce que c'est leur bibliothèque, puis ils voulaient pas qu'ils me prennent pour un intrus, fait que j'étais là, regarde, chez vous. Pas bien à l'aise, moi je m'en vais. Donc, quand je faisais ma vérification, c'était assez rapide. Et ça, la bibliothèque, là, vous le dites, là, c'est connu là, dans ce quartier de Montréal, que je nommerai pas pour pas vous identifier trop rapproché. Là. Les gens. Même les nouveaux, quand ils arrivent, on leur dit, puis il y en a déjà qui veulent piller. Le jour où ils peuvent y aller, il y a beaucoup de monde. Et la nuit, il n'y a pas personne qui veut y aller. Même mon dispatch est là, puis. Puis un soir, elle m'appelait, elle dit, Chantal, tu peux te tenir? Elle dit, là, ça. Il y a un peu trop de bruit dans le corridor, puis elle dit, je suis seule, là. Fait que j'y étais, puis j'ai parlé au fantôme. Il n'y a pas de squatteurs qui s'installent là, qui viennent troubler la paix? Parce que, tu sais, ça se peut, là. Il y a beaucoup d'itinérance en ville. Ils peuvent trouver une porte qui est mal barrée. C'est une installation de la ville, quand même, là. Hein? Ça se voit tout le temps. Dans le coin où je suis, il n'y a pas de squatteurs, puis il y a des caméras partout. Ah oui, OK. Et ça, le dispatch, il est dans le sous-sol de la bibliothèque. Ben les caméras ont-tu spoté les romans en train de flyer? Non, mais un de mes dispatchs a déjà vu un ombrage sur la caméra. Il a essayé de me le montrer, mais moi, je le voyais pas. Puis, il chantait, j'ai vu quoi? Là, on essayait de regarder, mais lui, il voyait quoi? Moi, je n'étais pas capable de voir ce qu'il voyait. Hey, j'ai vu quoi? Je te jure, j'ai vu quoi? Je te crois, là, mais la caméra l'a rien pogné. Vous savez qu'il y a des gens qui font beaucoup de kilomètres pour aller visiter des lieux hantés, là. Peut-être que la bibliothèque pourrait se développer une clientèle de nuit. Valérie Plante veut qu'on ait des activités nocturnes. Ça pourrait être une place touristique, puis ça réintéresserait certaines personnes à la lecture, peut-être? Ah, je suis sûr qu'il pourrait filmer quelque chose. Parce que moi, à chaque fois que j'y étais, il est arrivé quelque chose. Comme je vous dis, on est plusieurs, puis il y en a plusieurs qui ont vu ou entendu ou une sensation quelconque. Mais je suis sûr que s'il y a des experts qui iraient, je suis sûr qu'ils peindraient de quoi, qu'il y aurait une sensation. Là. Merci de votre appel, Chantal. Histoire fascinante. Oui. Passez une bonne nuit. Au revoir. Merci, vous aussi. Au revoir. Salut. Un revenant à l'émission. Oui, un revenant. C'est une bonne nuit pour ça. Et c'est notre ami de Mirabel. Salut, Jacques de Mirabel. Ben, salut, Louis-Philippe. Louis, salut. Alors, Jacques, bien installé dans sa hot tub dehors. Non, là, pas présentement. Là, je suis à l'intérieur parce qu'il pleut à l'extérieur. Maintenant. Ah, il pleut à l'extérieur. Ben, c'est mieux qu'il pleut à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ah, ça, c'est bien mieux à l'intérieur. C'est quand je prends ma douche. Oui, c'est là qu'on veut la pluie, effectivement. Alors, après, vous, de quoi avant, vous avez peur? Avant, tu le sais, avant, c'est le bidet avant, la douche après. Oui, c'est dans cet ordre-là. On veut qu'il mouille par en dessous avant qu'il mouille par au-dessus. OK, bidet, douche, c'est réglé. Maintenant, parlez-nous de vos peurs. un des très grands psychanalystes, là, ou le Dalai Lama, je sais pas qui, là, qui a dit, savez-vous, c'est quoi la plus grande peur chez l'être humain, tu sais, fait que le monde donnait différentes réponses, tu sais, puis la vraie des réponses, c'était la peur de la mort, tu sais. Oui. Fait que j'ai eu l'occasion, en résumé, mon frère, c'est vite, là, de vivre 4 EMI dans ma vie, tu sais. Des expériences de mort imminente 4 fois, mais vous étiez pompier, vous, hein? Oui, j'ai été pompier par une explosion où ce que j'ai rien vu, on m'a amené à l'hôpital, puis j'étais dans un drap bleu, puis comme bien du monde, j'ai été comme témoin, je me disais, pourquoi ils s'énervent, eux autres, tu sais. Fait que j'ai connu ce feeling-là comme bien du monde dans la mort imminente. Oui, c'est puis, ça. La première, c'était exfusiée dans un deuxième sous-sol, jusqu'à l'eau montait. Puis celle-là, ben aussi les draps bleus encore à l'hôpital. J'avais mes bottes de pompier et tout, j'avais plus rien. Là, quand le cerveau est privé d'oxygène, il y a des moments où est-ce que le cerveau il fonctionne pas normalement, hein? Non, parce qu'il a fallu que j'enlève mon masque, j'étais dans un deuxième sous-sol, ma cloche sonnait depuis 5 minutes, tu sais. On a des appareils, là, nous autres, là, sur le dos, là, tu sais. Puis là, moi, je savais que ça partait à sonner ma fenêtre, j'avais 5 minutes pour sortir, mais j'ai été mêlé dans les tuyaux pour sortir dans le deuxième sous-sol, là, rempli à moitié d'eau, là, tu sais, là. En tout cas, fait que tout ça pour te dire qu'on m'a sorti de là, puis j'ai revu encore les draps bleus, puis là, c'était différent. C'était comme le cynique, j'ai vu comme le cynique dans un manège quand j'étais en Floride, Space Mountain, là, tu sais, t'es dans un soeur, puis des jets de lumière. Ça, c'était le deuxième effet, ça m'a fait. Okay. À mes deux crises cardiaques que j'ai faites à l'âge de 60, tu sais. Mais là, j'ai vu mon père, ma mère, tu sais, dans un couloir, si tu veux. J'ai revu un ami de longue date, que fait longtemps qu'il était décédé, mon meilleur chum que j'avais, tu sais. Je l'ai revu, tu sais, dans un tunnel, tu sais. Fait que c'est drôle, hein, j'ai revu tout le monde, si tu veux, de mon vivant, dans cet état-là que j'étais. Puis la quatrième, c'est la deuxième crise cardiaque, celle-là. J'étais dans l'ambulance, si tu veux, pour me diriger à l'hôpital Sacré-Cœur pour deux semaines. Là, tu sais, j'avais un médecin à côté de moi, là, que j'avais du liquide dans le corps. Puis j'ai revu ma vie, tu sais, pas un voyage astral, hein. J'étais dans l'ambulance, là, puis il y avait de la sirène, puis tout. Puis moi, j'étais pompier. Moi, je dis au chauffeur, je dis, ah ouais, pèse dessus. Vous le connaissiez, là, vous l'aviez déjà vu, le chauffeur, là? Non, moi, je l'ai jamais vu, parce que j'étais dans le studio, moi, là, à côté de la docteure. Okay. Que j'étais tout intravéné, moi, là, parce que je m'en allais me faire opérer à Sacré-Cœur, deux semaines. Je m'en allais, là, fait que là, j'étais comme entre deux mondes, si tu veux, tu sais, là. Je comprends. Tu sais, les gens, chaque fois qu'on a un témoignage comme ça, les gens nous écrivent, c'est sûrement un rêve. Ah, non, ben non. Parce que quand j'étais dans l'ambulance, là, j'ai revu ma vie, tu sais, puis je te jure, j'ai revu ma vie. Puis ma vie, là, pour moi, là, Louis-Philippe, c'était du plaisir tout le temps, recherche de plaisir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis revoir la vie, c'est pas comme, mettons, là, présentement, là, moi, mettons, je décide de revoir ma vie, je repense à des souvenirs, je peux dire, je vois ma vie, mais c'est pas comme des souvenirs. Ah non, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Une espèce de projection, là. Ça s'est défilé en l'espace, je ne sais pas, le temps est inconnu. Mais en l'espace de 40 secondes, j'ai revu toutes les belles shots de ma vie, j'ai fait rire du monde, puis j'ai tout revu ça, comprends-tu? C'est spécial, mais, hein? C'est comme ça on rembobinait la cassette du cerveau. Le résumé, c'est ça, c'est important qu'on arrive à la peur. Les grands spécialistes, c'est ça qu'ils ont dit. La plus grande des peurs chez l'être humain, c'est la peur de la mort. Es-tu prête à mourir? J'ai tellement aimé le partage de François, là, que d'être spirituel, là, c'est simple, Louis-Philippe, c'est simple. Aujourd'hui, je me suis assis au soleil, là, face au soleil, là, puis je sais pas si tu as connu la méditation. Mais ça va être la fin de votre témoignage, parce que c'est la pause, donc on va vous imaginer assis au soleil à méditer, à faire la paix avec les esprits. Merci, Jacques. Oui, puis ce voyage-là, là, ça me dit. Passez une bonne nuit, Jacques. On se parle après la pause. Blitz final. En direct. Parler en direct avec Louis-Philippe Guy de Montréal. 514-790-0224. Partout au Québec. Québec. Sans frais. 1-800-667-5241. La nuit. En direct. En direct. Salut, c'est Mickey Guerrier. Tous les vendredis, je serai au Boys Club avec Ludovic Bourdage et bien sûr Marie-Ève Tremblay. On va vous parler de notre vision du monde à travers notre regard de jeune vieux ou de vieux jeune. Voyez ça comme vous voulez. Ce sera moderne et surtout intéressant. Au 98.5. L'inimitable. Du 4 au 10 novembre, c'est la semaine québécoise des rencontres interculturelles. Tissons des liens entre nous. Car nous avons le Québec en commun. Qu'on soit d'ailleurs ou d'ici. Participons à des activités qui nous rassemblent partout au Québec pendant cette semaine québécoise des rencontres interculturelles. Consultez les calendriers pour les activités dans votre région sur québec.ca/rencontres-interculturelles. Un message du gouvernement du Québec. Puis, ta nuit? Ah, comme on dit, je suis tombée dans les bras de Morphée. D'ailleurs, ça te dérange pas s'il déjeune avec nous autres? Vous souffrez de réveil nocturne et d'un sommeil agité? Dites bonjour aux nuits paisibles sans réveil nocturne avec le nouveau supplément naturel Nuit sans réveil d'Adrien Gagnon. Disponible en formule avec ou sans mélatonine, il vous aide à rester endormi toute la nuit. Faites confiance à votre expert sommeil et stress, Adrien Gagnon. Présentement en rabais chez Jean Coutu. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Les centres communautaires et terrains de jeu, qui c'est qui s'en occupe? Ta municipalité. L'aménagement urbain, la collecte des ordures, les activités culturelles? Ben oui, ta municipalité. Et puis poser tes pneus d'hiver, faire ton changement d'huile, puis s'assurer que t'as assez de lave-glace dans l'affaire à lave-glace. Non, ils font pas ça. Les municipalités s'occupent d'une foule de services qui vous touchent directement. Mais votre changement d'huile, on laisse ça à votre garagiste. Un message de l'Union des municipalités du Québec avec le soutien du gouvernement du Québec. Les temps changent. La consigne change. Un nouveau réseau de lieux de retour pour les contenants de boissons consignés prend forme partout au Québec. Quelque chose dans l'air du temps, comme un goût de changement. Découvrez ce nouveau réseau à consigneaction.ca. Quelque chose comme un goût de changement. La consigne, c'est l'avenir. Votre ado souhaite fréquenter un cégep bilingue? Le Collégial Sainte-Anne saura lui plaire à coup sûr. Venez nous rencontrer le 9 novembre. Réservez votre place au collégial.sainte-anne.ca. Plus on en sait sur l'immobilier, mieux on peut gérer toutes les situations qui s'y rattachent. Écoutez « Les dessous de l'immobilier » animé par Mélanie Bergeron et Jeffrey Soubrani le samedi 11h. Au 98.5, Montréal. L'inimitable. Partout au Québec, jusqu'à 3h du matin, vous écoutez La Nuit, en direct. De retour à Louis-Philippe Guy, au réseau Cogeco Média. C'est le blitz final, 3h moins quart, et on parle de vos peurs que vous avez ou événements effrayants que vous avez vécu. J'ai eu Jean-François au téléphone tantôt, mais j'ai pas réussi à y soutirer une peur qu'il avait. Lui, je pense qu'il a peur de rien. Salut Jean-François. Oui, salut. Ben, j'ai vu que j'ai un laps de différence, alors je vais faire ça vite. Ceux qui veulent savoir s'il y a une vie après la mort, regardez sur YouTube le documentaire. C'est sur YouTube, La vie après la mort, là? Oui. Comment il s'appelle, le documentaire? Ça s'appelle The Skull Experiment. The Skull? Comment j'écris Skull? Comme un scone ou un... S-C-O-L-E. The Skull Experiment. OK, parfait. Experiment, puis ça va être celui qui en a 8. Celui qui en a 8? Oui, il y en a 8 vidéos parmi celui-là. OK, une liste de lecture de 8. OK, parfait. The Afterlife Investigation. OK. Ah, c'est ça. Ça dure 1h30, ça. Puis, OK, ça il y a du stock. En détail, puis ça montre le son et les images de ce qu'ils ont capturé. Okay. Ils ont communiqué avec l'au-delà, puis ils ont même communiqué avec des personnes de 100 ans qui essayaient de communiquer avec l'au-delà. Ils ont communiqué avec eux. C'est tout prouvé, c'est tout là-dedans, là, vous allez avoir bien... Ben écoute, quand c'est une vidéo YouTube, hein, on sait que c'est vrai, hein, n'est-ce pas? Non, ben oui, ben écoute, celui-là que tu vas voir, t'en reviendras pas, tu vas être renversé. Comment vous déterminez, vous, Jean-François, comment vous déterminez le vrai du faux quand vous fouillez sur Internet? Ben, regarde-le d'abord, vous allez voir que c'est vraiment... Oui, parce que quand on a... Ouais, ils ont demandé à des personnes partout à travers le globe, 5 spécialistes qui ont recueilli ensemble, pendant 50 ans, ils ont étudié ça. Dans une cave noire ensemble, puis ils ont fait des expérimentations, puis ils ont réussi. Voilà. Il faut le regarder pour le savoir. Puis ensuite, vous voulez avoir des peurs, ben regardez sur YouTube. Toujours YouTube, hein? Okay. Nukes. Non, mais Nukes Top 5. Nukes. N-U-K-E-S Top 5. Là-dedans, c'est des compilations de personnes qui envoient ça à lui, que lui, il filtre tout, qui regarde voir si c'est véritable ou non. Ouais. Check les sources. Après ça, il met ça en compilation. Puis c'est toutes des vidéos que le monde a envoyées, justement l'histoire de la librairie et tout, là. C'est vrai. On le voit là-dedans. Puis on voit même dans une pharmacie, un monsieur qui check pour un produit, puis il a une boîte qui se promène. J'avoue que tout ce qu'on voit sur YouTube, c'est vrai. Je suis en train de consulter un document présentement. Je suis en train de regarder un document sur une sorte d'animaux. Là. Écoute, c'est ça ressemble à un cheval, mais c'est plus coloré. Mais puis, il y a une espèce de corne entre les oreilles. Donc, il y a beaucoup de... Je sais pas si... Il y a des choses en petit coup que du bon ont filmé dans des forêts parce qu'il y a beaucoup des chasseurs de fantômes. Il y en a énormément sur la planète. Oui. Puis ils vont dans des endroits les plus hantés au monde, dans des anciens édifices qui sont en train de tomber en ruine. Puis là-dedans, là, ils se font surprendre, ils ont peur au bout, puis ils se sauvent. C'est très, très beau. C'est vraiment... Puis il y a aussi un deuxième. Là, je vais terminer, je vais laisser la place à l'autre. Ça s'appelle... De Slapped, S-L-A-P-P-E-D, espace, jambon, ham. Slapped, okay. Ham. OK. Comme le jambon qui a reçu une claque, là. Ben oui, c'est fou comme ça. Mais c'est la même chose que nous qui stop fight. Puis il y en a plusieurs autres aussi qui existent. Puis tu vas bien voir que c'est réel. Ils se font prendre sur le vif, même dans des hôpitaux, là, que des infirmières filment des choses qui se passent. Ça existe. C'est véritable, puis c'est à voir. Avez-vous un crayon puis un papier pour noter une vidéo? J'en ai une aussi. Ben, envoyez-moi-la par. Je vous ai parlé tantôt en privé, là. Ah, j'ai pas vu. Mais essayez de vous souvenir. J'ai envoyé les documentaires. Essayez de vous souvenir Dramatic Look. OK? OK. Dramatic Look, là, c'est. Ça dure 5 secondes, mais c'est quelque chose, là. Vous me ferez pas croire qu'il n'est pas possédé, là. C'est sûr qu'il est possédé. Dramatic Look. Merci beaucoup de votre appel. Ben, ce week-end, ça va être du plaisir. Ben, tout le monde aussi. Oui, bien alors, du plaisir à vous aussi. À la prochaine. On va aller jaser maintenant avec Olivier. Salut, Olivier. Salut, Louis-Philippe. Ça va bien? Ça va bien. De quoi avez-vous peur? Ben, c'est une ancienne peur, si on peut dire, de jeunesse, voire adolescent, là. Des interlocuteurs un petit peu plus tôt dans la nuit qui parlaient des voyages astrales. Là. Oui. Puis quand j'étais plus jeune, c'était quelque chose qui m'arrivait. Puis c'est vraiment spécial. Ça vous arrivait à répétition, là? C'était l'autoroute astrale? Ben, je veux pas dire autoroute astrale, mais tu sais, c'est ce qui se passait dans mon corps, si on peut dire, là, c'est... Et c'est comme si l'esprit se détache du corps. OK. OK. Puis, sans aucun contrôle. Là. C'est ça qui est fréquent, parce que tu sais pas où tu t'en vas, si on peut dire. Là. Et ton esprit et ton corps sont désaxés. Et puis ça m'arrivait toujours quand j'étais couché sur le dos. C'est ça. Puis là, j'avais l'impression que l'esprit sortait. Du corps, puis pas capable de le ramener. Puis ce qui est spécial, c'est que le corps, il dort, mais ton cerveau, il est allumé, lui. T'es réveillé, t'es capable de réfléchir, t'es capable de penser, t'es capable de te dire, OK, là, ça marche pas. Ben, c'est le fun, mais le corps se repose, mais l'esprit se repose pas. On doit se lever, puis être encore fatigué, là. Ben, là, je me souviens pas de ça. Okay. De nature, oui, quelqu'un qui est fatigué en se levant, là, mais tu sais, ça a-tu un lien, je le sais pas. Là, puis là, après ça, vous avez arrêté l'acide, là. Ben. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Tu sais, ça se contrôle pas, ça vient. C'est ça, ça se contrôle pas. Okay. Et qu'est-ce que ça vous a appris, tout ça? Parce que c'est arrêté, ça vous est arrêté. À un moment donné, ça a comme passé. avec la puberté? C'est sûr que ça m'a mené... j'étais enfant là, quand ça m'arrivait. Là, fait okay. Ça m'a amené, oui, à avoir de la misère à dormir. Je voulais pas dormir. Ben, je voulais pas que ça m'arrive. Parce que t'as aucun contrôle, puis tu sais pas quand ça va t'arriver, tu sais. Fait que le meilleur moyen que ça arrive pas, c'est de pas dormir. Fait ouais, que, effectivement. Mais c'est ça. Mais même. Au fil du temps, j'ai fait la corrélation entre le fait que moi, quand je dormais sur le dos, c'était là que ça arrivait. Quand j'étais sur le ventre ou sur le côté, ça arrivait pas. Okay. J'étais tout le temps sur le dos. Fait que ça m'a amené à changer de position de sommeil. Puis plus ergonomique là, pour le voyage astral. Comment? C'est plus ergonomique point de vue voyage astral. Ouais, là, tu sais, je peux mais pas là, dire. Mais là, si, mettons, vous dormez sur le dos cette nuit-là, vous essayez ça, là, pensez-vous que vous allez encore vous détacher de votre corps? Ben, cette nuit, je pense pas. Ben, je pense pas. Je le sais pas. Tu sais, ça arrivait pas à toutes okay. les nuits. Faudrait donc. Faire un échantillon sur une bonne semaine de sommeil, là. Ouais. Ben, ça te tenterait pas d'essayer ça? Pas en tout. Non, hein? Je veux pas. Hey, moi, si j'avais le moyen de voir, de vérifier le voyage astral, tabarnouche, je le ferais. Mais en même temps, j'ai pas eu ce traumatisme-là. Fait que peut-être que là, je parle à travers mon chapeau, puis j'aurais pas le goût de vivre ça si je connaissais ça comme toi, Olivier. Là. Ben, c'est que moi, personnellement, ce qui me faisait peur, c'est que t'as plus le contrôle. Là. Ah, c'est ça. Hey, Olivier, je vois le temps qui passe, puis je vais laisser du temps à Lucie qui nous attend. Merci, Olivier. Bonne nuit. Salut, bonne nuit. Lucie, salut. Allô, monsieur. C'est quoi votre peur à vous? Ma peur. Maintenant, j'ai peur pour mes petits-enfants. S'il y en arrive un autre jeune, j'ai toujours peur. Ça reste tout le temps. Vous avez peur qu'il arrive un autre petit-enfant? Pas qu'il arrive, mais qu'il arrive la même chose qui m'est arrivé à mon petit bébé. OK. Il était né le 4 août et il est décédé le 16 septembre. Ah oui. Un petit garçon bien en forme, rien qui clochait. Le vôtre ou celui de votre fille? Mon petit garçon. Votre petit garçon à vous, quand vous avez. Est-ce que c'était votre premier? Non, c'était mon troisième. Votre troisième. Les deux autres sont-ils en santé? Oui. Mais les deux autres, j'en ai eu un autre. On a attendu 4 ans. OK. Oui, c'est dur à parce perdre qu'on un enfant. J'ai gardé celui de ma soeur qui est né au mois de septembre, au mois de décembre. OK. Et puis, mon mari travaillait de nuit. Ça fait que dans le jour, lui, quand il se réveillait, il était pareil comme moi. Si elle allait faire des commissions, puis c'était nous autres qui avions son petit Steve, on était toujours rendus dans le jour quand tu faisais son dodo. Allait mettre la main dessus, voir s'il respirait. On était fous, on était rendus fous. Je comprends. Moi, mon père était arrivé de Rivière-du-Loup, il avait couché chez ma soeur qui restait pas loin de chez nous. Puis elle, en s'en allant travailler, elle a laissé mon père qui était déjà très âgé. Et puis... c'est vrai, j'ai dit, t'as pas connu mon petit bébé, tu sais, mon petit Bruno. On avait choisi le nom d'avance. Et puis, j'ai dit, viens le voir. Tu sais, on s'en va. Je le couchais ailleurs que je le couchais dans le grand salon parce que mes deux autres étaient dans leur chambre. Et puis, en tout cas, c'est ça. J'ai dit, papa, nous autres, on l'appelait papa, c'est le même dans le temps. Lui, il n'était pas habitué de se rappeler papa. T'sais. Il était de 80 ans. Okay. J'ai dit, papa, j'ai dit, viens voir mon petit bébé, je pense qu'il est mort. Il arrive. La réflexion qu'il a faite, c'était déjà arrivé à une petite fille, à eux autres, qui étaient partis de la même façon. Oh, il dit, crée maudit, pareil comme notre petite Ginette. Ah oui, Ginette, c'est arrivé. OK. La petite Ginette, elle, ça faisait bien longtemps. Mais elle était décédée exactement comme ça. Elle était partie. Elle a fait un aller-retour sur la terre, autrement dit. Ça fait que là, quand on est revenu de l'hôpital, avec les mains vides, mon petit garçon qui avait 3 ans, il dit, il est où, Bruno? J'ai dit, il est parti. Il dit, il est où? Ben, ma soeur Claire était là, puis elle, son petit Jésus, là, moi, je l'avais de travers. Lucie, c'est la fin de l'émission, le temps vient de commencer. Ouais, mais donc, vous avez vécu avec la peur qu'un autre enfant connaisse le même sort après le terrible traumatisme que vous avez vécu. j'ai dit à mon petit garçon de 3 ans, non, non, il est parti, puis on ne le verra plus jamais, jamais, jamais, jamais. C'est ce qu'il fallait dire. Merci, Lucie. Passez une bonne nuit. Bye-bye. Au revoir. Les 2h57, je vous souhaite de passer une très belle semaine avec Jeffrey Soubrani qui va me remplacer à la nuit en direct. Et je recommencerai toutes ces initiatives de vidéos, de contenu exclusif. À mon retour d'ici là, ben, je vous invite à vous joindre à la page Facebook de la nuit en direct pour continuer de garder des nouvelles, échanger entre vous pendant cette semaine-là. Et ben, je vous dis à bientôt. Bye-bye. Le Québec maintenant. Une analyse complète de la journée. Voilà, et ex-enseignant à l'école Bedford, Valérie, c'est un cri du cœur. Oui, c'est un cri du cœur. Puis quand j'ai parlé à Marc-André à la suite de la divulgation du rapport ministériel, il était tellement ému de voir qu'enfin, il y avait quelque chose qui se passait dans ce dossier-là. Ça fait quand même plusieurs années qu'il a quitté Bedford, mais lui pensait terminer sa carrière-là. C'est ça qui est triste aussi, puis il n'est pas le seul. Le Québec maintenant, avec Philippe Contin, en semaine, 15h, au 98.5, Montréal. Vous délingez votre cours à la pelle. Vous faites un seul voyage de sac d'épicerie, même quand vous achetez deux melons d'eau. Vous êtes fait fort. Mais les virus aussi. Faites-vous vacciner gratuitement contre la grippe et la COVID-19. Si vous vivez avec le diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie du cœur, des poumons ou des reins, si vous êtes enceinte ou si vous avez 60 ans ou plus, vous êtes plus à risque de complications. Informez-vous et prenez rendez-vous au québec.ca/campagne-vaccination. La vaccination, c'est la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec. Si ton boss t'irrite, prends la porte. Si ta gorge t'irrite, prends Valda. Pour soulager l'irritation de la gorge, dépassez Valda. Aussi simple que ça. Si le prix de l'essence t'irrite, prends tes jambes. Si ta gorge t'irrite, prends Valda. Pour soulager l'irritation de la gorge, dépassez Valda. Aussi simple que ça. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Pastilles Valda en promotion cette semaine à 7,97 $ chez Axe Pharma. Tous les détails dans votre circulaire Axe Pharma. Assistez à la fusion ultime de l'espionnage et de la maîtrise orchestrale avec Bande Symphonique. Interprété par Véronique Dicker et Benoît McGuinness. Revivez les plus grandes chansons des films James Bond. Une expérience captivante portée par l'Orchestre Philharmonique sous la direction de Francis Choinière. Cogeco Média, fier partenaire de Bande Symphonique, présenté du 5 au 7 décembre à la Place des Arts. Billets sur placedesarts.com. Alors que le gouvernement sabre dans la francisation offerte dans les centres d'éducation des adultes, des profs partout au Québec perdent leur emploi et des personnes immigrantes n'ont plus accès à des cours de français. Cette décision est irresponsable et incohérente, surtout de la part d'un gouvernement qui prétend valoriser la profession enseignante et placer en priorité l'apprentissage du français. Monsieur Legault, les beaux discours ne suffisent pas. Un message de la Fédération des syndicats de l'enseignement et de la CSQ. Les dernières nouvelles. Écoute en direct. Balado diffusion. Info, circulation. L'application. Cogeco Média. 98. Partout au Québec. Cogeco Média. Parce que vous voulez tout savoir. En rediffusion. Sur le réseau Cogeco Média. Vous écoutez L'Agacé le matin. J'ai sorti des gros mots d'église en lisant un texte de la presse ce matin. Texte de Gabriel Duchesne sur la DPJ de l'Estrie. C'est un dérapage, c'est épouvantable. C'est une famille de, c'est une famille syrienne. Qui a des problèmes. La famille est dysfonctionnelle. La mère va finir par se reprendre en main, OK? Mais cette famille-là a beaucoup d'enfants, dont des triplés. Donc, 3 enfants de 2 ans qui sont soudés, qui sont retirés de la famille temporairement, sont mis dans une famille d'accueil. Et là, il y a la DPJ qui décide de présenter de faux arguments au juge, de fausses informations, et de tenter de donner les triplés en adoption. Déjà là, c'est un premier scandale. Ensuite, la DPJ a tenté de séparer les enfants. On aurait donné les enfants en adoption séparément. Et je dis « on aurait donné » si la DPJ avait eu gain de cause. Ce qui est arrivé, c'est que la mère de la famille d'accueil temporaire, voyant que la DPJ avait ce plan-là, voyant comment les enfants étaient soudés, elle a sonné l'alarme. Elle a levé la main. Dans le texte de Gabrielle Duchesne dans la presse, on l'appelle Catherine. Ce n'est évidemment pas son vrai nom. Elle est au bout du fil. Catherine, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci, ça va bien. Vous-même? Oui, ça va bien. Un petit peu nerveuse, là, mais ça va bien. Je sais que vous êtes nerveuse, Catherine, et je veux vous dire, d'abord, je vous remercie de nous parler. Je pense que c'est une histoire qui mérite un grand rayonnement. Racontez-nous c'était comment ces enfants-là sont arrivés dans votre maison, ces triplés. Moi, je les ai eus